Normalement, je vérifie qu'on nous entend. Ouais, on est sur les deux chaînes en même temps, donc c'est pour ça. Je vérifie qu'on nous entend de mon côté. Je vérifie qu'on nous entend de mon côté. Je veux voir si... Donc, on nous entend, c'est très bien. Donc, maintenant, tout le monde entend tout le monde. Et normalement, on nous voit. Moi, je vais cropper ça parce que quand il y a trop de monde sur ma chaîne, moi, ça me stresse un peu. Donc, je vais cacher ce chiffre et voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, soirée un tout petit peu particulière sur la consulte. C'est une soirée, on va discuter. On a la chance d'être ce soir chez Laurent Charlier. En fait, on est en double live chez lui également. Ah, tiens, on voit les affiches, ce n'est pas bien. Oui, on voit le chat, c'est gênant. Donc on est en double stream, on va pouvoir, en fait on va surtout faire une émission surtout chez Laurent, mais on en profite nous pour faire un petit stream pour pouvoir lui ramener des gens directement chez lui, le faire découvrir sa chaîne et faire découvrir son travail. Ouais, effectivement j'ai fait une faute, tu as raison, je vais corriger ça. Donc voilà, donc Laurent, présente-toi. Et nous, Alors, on présente chez toi d'abord ou on présente chez toi On va se présenter. Fais ton émission allez-y, et nous, on a notre public qui nous suit. Donc voilà, sachez, on les réexpliquera au fur et à mesure, mais on est chez Laurent, mais on fait un double live en fait, c'est pour ça. Donc, ah, c'est moi qui ai commencé ça. Oui, non, vas-y, continue ton émission. Et puis... bonjour à ceux qui me regardent sur la chaîne de François. Donc, moi, c'est Laurent. Ah, c'est la chaîne de Jérémy et moi, on est sur la chaîne de la consulte. Ah, c'est notre chaîne à nous. C'est une chaîne commune. Comme ça, c'est chaîne ça. Commune. Et donc, moi, je suis éducateur spécialisé. Je m'occupe d'enfants avec tout le spectre autistique la semaine. Ouais. Je fais un peu de Croix-Rouge le week-end et le soir. Et. Quand il me reste du temps, j'ai fait aussi des vidéos sur YouTube, sur la chaîne Point de vue social dont a parlé François juste avant. En gros, on traite à peu près tous les sujets du médico-social pour donner un petit peu les bails pour que les gens puissent prendre soin d'eux et des autres. Voilà, en gros. Je fais de plus en plus concis maintenant à chaque fois qu'on me demande de me présenter. Et donc, j'annonce évidemment, vous ne voyez que le fond vert chez Laurent, parce que Laurent, lui, il a son fond vert qui fonctionne chez lui, mais je ne peux pas le voir. C'est moi. Ça. Je peux mettre autre chose, je crois. Ah non, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas important. Okay. Ouais, non, mais là, tu m'as baisé mon. Non, c'est bon, mon setup est revenu à peu près correct. C'est parfait. C'est bon. Je suis. On a le lien de la chaîne, oui, on va vous remettre le lien. Oh, on est dans l'espace. Voilà. On va vous remettre le lien de la chaîne. Il y a du bruit autour de moi là, par contre, là, c'est super moche. Je remets. Non, ça va. Donc voilà, vas-y, dis-nous comment tu veux qu'on fasse le déroulé. Je pense qu'on va faire comme on fait d'habitude. Hein. On est des youtubeurs, on va improviser. Déjà, je voudrais un petit peu vous présenter à ceux qui me suivent et qui ne vous connaissent pas. Parce que la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble, François, ça remonte à... Oulala, oh là, au moins, tout on ça, était avec, t'étais pas encore papa. Non, j'étais pas encore papa, non. Et c'était avec ce bon... Julien Méniel. Merci. Que je recevrai, j'aurai le plaisir de le recevoir lundi qui vient. C'est cool. C'est bon, Julien. Faudrait qu'on arrive à la voir à la consulte, Julien. Ah, il est chaud en ce moment, tous les soirs, il stream, donc... Que ce soit chez lui ou chez les copains, il est chaud. Ouais, faut qu'on lui demande. Faut qu'on lui demande de venir. Il est chaud. On lui demande de venir. Donc, François, toi, tu es chirurgien et oncologue. Ouais, alors, j'ai la double casquette, mais je ne fais plus beaucoup de cancérologie. J'en ai fait beaucoup. J'en fais beaucoup moins pour des raisons purement techniques, du fait du changement de mon activité. Mais oui, à la base, je suis chirurgien, ça reste pareil. Et j'ai la formation de cancérologie. Je m'intéresse toujours à la cancérologie. Ma femme fait toujours de la cancérologie, donc j'ai toujours un pied dedans. Mais j'en fais plus activement comme j'en faisais avant. Mais je reste cancérologue de formation. Okay. Et toi, JD, donc toi, c'est cardiologue. Par contre, tu es toujours cardiologue, donc c'est ton cœur de métier. Ton cœur de métier. Parfait. Blague. Le jeu de mots est incroyable. On ne te l'avait jamais fait. 17 sur 20. Alors déjà, la première question que j'aimerais vous poser, déjà, avant qu'on commence à avoir des questions du chat qui arrivent, comment ça se passe en ce moment dans les hôpitaux? Parce que c'est... Il y a des trucs qui se passent en ce moment, c'est un peu compliqué, non? Alors, ça fait un an qu'on a une émission. Ça fait un an, oui, qu'on parle du Covid. Il y a une toute petite épidémie là qui est en vogue. Là, c'est en train de monter tout doux, tout doux, tout doux. Mais c'est un petit truc. Ça, C'est un petit truc. On ne sait pas ce que ça va devenir. Il y a un grand, professeur qui a dit que c'était trois Chinois qui meurent de l'autre côté de la Terre. Donc, voilà. Non, non, non. Mais effectivement, après, je vais faire un disclaimer assez vite. Franchement, on est libéraux, c'est-à-dire qu'on bosse. Ouais. Plus à l'hosto, c'est-à-dire qu'on intervient de manière ponctuelle, c'est-à-dire que voilà, si on est appelé, je fais quelques vacations de temps en temps à l'hosto, mais mon cœur de métier, c'est de faire du libéral, c'est-à-dire de faire de la ville. Donc, je ne suis pas au jour le jour, en fait, sur les hôpitaux. De mon côté, ça ressemble aux hôpitaux. Comment tu veux dire aujourd'hui ? Ou tu veux un global depuis un an et demi ? On a à peu près suivi que c'était un peu plus la merde tous les mois, et du coup, en ce moment pour vous, comment ça va? Parce que là, vous avez vous tenez avec des cachetons là, ou alors vous allez mourir? Alors, nous, juste on a après une activité fin, très particulière avec Jérémy, donc c'est vrai que on est moins exposé, mais on connaît beaucoup de gens. Aux infos, on voit beaucoup de choses, en fait, et ça permet justement de vous faire intervenir pour que vous puissiez dire ce qui se passe réellement, en tout cas dans votre secteur, et par rapport notamment aux opérations qui sont décalées parce qu'il y a besoin de lits pour les malades du Covid. Donc, ouais. Ça a l'air d'être un peu le bazar, et comme au niveau c'est du le gros quand a, c'est le gros quand il y a des choses qui sont communiquées par le gouvernement, dès qu'on vérifie, on se rend compte que c'est de la merde. J'aimerais savoir de votre côté... Ah là, t'es dur, là. Non. Oui, t'es dur parce que concrètement... il y a de moins en moins de malades, le Covid ça s'atténue, la courbe est en train de descendre, tout va bien, il y a beaucoup moins de morts, il y a beaucoup moins de contagions, donc je sais pas. Moins de morts, non, non, non, c'est pas ce qui est annoncé. Aujourd'hui, je vais faire un récap. En ville et enfin ce qui se passe de mon côté, et François me dira si ça se confirme chez lui. Aujourd'hui, la situation, elle est que on est sur ce qu'on appelle un plateau montant, c'est-à-dire que on a à peu près stabilisé le mort. On est aux alentours de 400 morts par jour. C'est quelque chose qui est quand même avec une occupation qui reste quand même très importante. Aujourd'hui, moi, sur l'activité à l'hosto, on a plusieurs, de manière générale, on a plusieurs rééducations qui ont été contaminées par le Covid et du coup qui ne sont pas utilisables. Ça, c'est très, très embêtant. C'est-à-dire que les secteurs de réhabilitation, de rééducation, c'est souvent des secteurs pour lesquels sortir des malades. Clairement, les patients qui sont utilisés pour un malaise cardiaque, pour un problème, par exemple, votre mamie, c'est la jambe, casser la jambe, il faut qu'elle aille en rééduque. Le problème, c'est que dans une certaine partie des rééduques, en fait, il y a plein de Covid qui ont émergé avec des soignants qui tombent malades, et c'est un petit peu à gérer. Donc, ces lits de rééduque sont pour l'instant plus... Hey, ta connexion, elle est aux fraises, Jérémy, hein. C'est vrai. Ah ouais. Quand je vais passer sur la 4G. Il y a le son qui saute. Ah ouais, ça robotise à mort. Non, non, mais donc, le temps du passage, je vais. Je vais repasser. À la limite, coupe le retour Twitch. Ferme le site de Twitch. On gérera le chat pour te faire remonter des questions. Ouais, on va, là pour l'instant, c'est plutôt calme de toute manière. Sur, ça va te faire gratter un peu de bande passante si tu fermes la page Twitch déjà. Non, le lien YouTube de Laurent. Alors, dans le chat, on n'arrête pas de le passer, le lien YouTube de Laurent. Alors, dans mon chat, alors je vous dis, alors moi aussi, disclaimer, je ne parle pas de la Flanders, je ne parle pas des blablacs de Laurent. On va plutôt parler médecine ce soir et on parlera des lolleries, si vous voulez, un autre soir. Alors, le lien YouTube, il faut que je te retrouve ta chaîne. Je vais remettre ça. Donc, ouais, moi, c'est YouTube, youtube.com/pointdevuesocialpdvs. C'est point de vue social PDVS, ouais. Derrière. Je le cherche. Non, là, tu renvoies. En fait, François. Ouais, quand ouais, tu, ouais, non, je suis en train de, je suis en train de le chercher. Cliquez pas sur le lien précédent, ça renvoie vers la vidéo. Mais c'est pas celle qu'on regarde aujourd'hui. Donc, ah, ça vous revient entendez, sur là, un autre truc. Ah ouais, merde. Ouais, tu veux l'envoyer. Je vais le mettre, t'inquiète pas. Je vais le mettre, vas-y, poursuis. Je vais mettre dans ton chat le lien vers la chaîne, il n'y a pas de souci. Ça sent. Tant là, du coup, j'ai arrêté de faire le... Sur cette chaîne, je vous parlerai d'un sujet qui m'est cher, le social, ça à travers différentes peu, émissions. Pas, les points de vue social classiques qui sont publiés en début de mois. Les services à prévu. D'accord. Donc, le problème, c'est qu'on a, pour vous donner un ordre d'idée, entre la première et la deuxième vague, on était revenu à un niveau quasiment nul en termes de morts par jour. Là maintenant, entre la deuxième et la troisième vague, on n'est pas revenu à un niveau nul, on est resté, à un moment on est redescendu à un plateau, puis ensuite on est remonté, Et là, on est sur un, on est parvenu à un niveau de mort zéro. Là, on est sur un, sur un truc, un faux plat, comme ils disent. C'est-à-dire que ça monte tout doucement. Et ça monte tout doucement, il faut voir que c'est une croissance lente, mais exponentielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une croissance, ça reste une croissance exponentielle. Donc elle est lente à un moment, mais à un moment, elle risque de repartir. C'est toujours le problème sur une épidémie. Une épidémie, c'est va bruit. Mais tant que ça monte, ça veut dire que ça monte. C'est pas, c'est soit ça reste stable, soit ça baisse. Mais si ça monte, ça ne peut que monter de manière exponentielle. C'est juste que l'exponentielle, elle est très lente à un moment, mais au bout d'un moment, elle devient très importante. Donc ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas du tout. Et en fait, le vrai problème, c'est ça encombre des lits. Et donc, comme ça encombre des lits, ça limite l'accès de tout le reste. Et ça, c'est ça qui est problématique. C'est ce qu'expliquait Jérémy. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'un malade Covid, il va être hospitalisé, on va dire, en secteur conventionnel. Je ne parle pas de ceux qui vont aller en réa, mais il va être hospitalisé en secteur conventionnel relativement longtemps, une semaine ou deux, ça va dépendre. Des fois, on a des malades qui font des visites flash, genre qui vont être oxygénodépendants et qui vont repasser en ville. Mais après, il y a tout un pendant rééducation, c'est-à-dire que ces gens-là, bah, il faut les remettre un petit peu en caisse, il faut les remettre un petit peu en forme, et ça prend son temps, quoi. Et le problème, c'est que aujourd'hui, quand vous avez des lits qui sont occupés par le Covid, indépendamment du Covid en lui-même, c'est des lits qui ne peuvent pas être occupés à d'autres actions pour l'hôpital. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mes malades, certains malades à qui je devais faire mettre un pacemaker ou faire des procédures, entre guillemets, pour des troubles du rythme, on leur a dit, on va décaler la procédure. Parce que là, aujourd'hui, on n'est pas sûr de pouvoir assurer un lit en réa si il y a quelque chose qui se passe mal. On n'est pas sûr de pouvoir assurer les soins intensifs parce que certains lits ont été réquisitionnés pour pouvoir le faire. Donc, ça rend, entre guillemets, l'activité dite programmée plus difficile à mettre en place. Et là, on voit que c'est en train de monter et que c'est de plus en plus difficile de monter cette activité programmée. Et que malheureusement, on n'est pas sur une voie où ça va aller mieux, parce que les mesures qu'on a mises en place, elles ont tout au mieux réussi à plus ou moins stabiliser la situation. Pas à l'inverser, pas à réduire le nombre de malades, juste à stabiliser. C'est-à-dire qu'on est au bord de la falaise, là, si vous voulez. Donc, pour l'instant, ça tient, on n'est pas tombé. Pour l'instant, tout va bien, on n'est pas en train de se péter la gueule sur les rochers. Mais enfin, il ne faudrait pas que ce soit pire. Et aujourd'hui, on a des éléments pour nous dire attendez, il y a des variants qui arrivent, qui sont plus agressifs, sur lesquels on a moins d'immunogénicité. Et immunogénicité, ça pourrait beurrer précise, à ce moment-là. Immunogénicité, c'est qu'on a plus, certains variants. Plus de difficultés à... Attendez, 2-8 secondes, je coupe ma vidéo. Ah, ça marche, c'est la pause bébé. C'est le petit bisou. C'est ça ce qui arrive. L'immunogénicité, c'est-à-dire c'est-à-dire typiquement les variants brésiliens et le variant sud-africain, qui sont un peu difficiles à distinguer, ils ont, entre guillemets, ils créent moins de réactions immunitaires. C'est ce qui fait que on n'est pas sûr que, ni avec les vaccins actuels, ni avec un Covid récent, on soit capable de résister à tout ça. Donc, ça pose d'autres questions, d'autres problèmes, et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. On sait ce que ça a donné au Royaume-Uni, au Portugal, c'est le bordel, c'est-à-dire ça déborde et ça a obligé à aller très, très vite vers une situation de fermeture. Est-ce que ce sera pareil en France ? Possiblement. Je pense qu'on n'est pas plus intelligent que les Britanniques ou les Portugais, donc je ne vois pas ce qui nous différencierait, en fait. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle on est. Dans le chat, il y a quelqu'un qui pose la question, enfin chez moi. Oui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas qu'on ne soit pas confiné ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si c'est une bonne nouvelle ou pas. La question, c'est que c'est un équilibre précaire à trouver entre l'équilibre économique et la santé. Nous, typiquement, en termes de santé pure, ce serait préférable qu'on ait des mesures plus fortes pour justement réduire la charge au niveau des hôpitaux. Parce que là, si on double, voire qu'on quadruple, et avec un R qui peut être montant à cause des variants, ça peut être le cas, on va se retrouver débordé. Et vous n'avez pas envie que l'on soit débordé, en fait. Mais pas du tout. Parce que, indépendamment du Covid, même si vous faites très attention, si vous êtes très attentif aux gestes barrières, que vous rencontrez personne et tout le bazar, vous pouvez attraper, enfin, vous pouvez avoir une maladie cardiaque, avoir un cancer, avoir des pathologies qui nécessitent une hospitalisation qui ne peut pas vous être garantie. et du coup avoir une perte de chance. Je voyais la question, est-ce que ces décalages de procédure ont un impact sur leur santé ou est-ce que ça change rien pour les patients? Ben, ça va dépendre de la procédure en fait. Si c'est une jambe pétée, ben, c'est un peu chiant vraiment parce que tu peux avoir des complications orthopédiques. Si c'est des procédures cardiaques relativement urgentes, ça peut être compliqué. Il y a des procédures qui sont plus anodines, hein. C'est typiquement un hallux valgus, c'est-à-dire avoir les doigts de pied qui sont tordus. Ça va, vous n'allez pas perdre de chance. Ça va vraiment dépendre de tout ça. Mais plus on avance et plus on surcharge les ostos, et plus tu vas te retrouver dans une situation finalement qui va être compliquée. Au début, on va déprogrammer le moins urgent, mais fatalement, on va dire, bon, qu'est-ce qui est… ça c'est une urgence de niveau 5, donc c'est pas urgent du tout. Mais après, quand plus tu es chargé, tu vas dire ben, le niveau 4, puis le niveau 3, puis le niveau 2. Et le niveau 2, il commence à être un peu craignos, quoi. Donc, c'est pas compliqué. C'est pas une... Pour vous donner un ordre d'idée, dans le CHU à côté de chez moi, parce que je reste quand même très en contact avec les collègues du CHU, puisque malgré tout ce qu'on a pu dire, moi j'ai pris en charge des malades du CHU pendant les confinements parce que le CHU ne pouvait pas les prendre en charge. Et j'accueille des collègues du CHU qui opèrent à la clinique dans des bonnes conditions pour pouvoir faire les malades qu'ils ne peuvent pas faire au CHU. Là, au CHU, il y a des moments où on leur a demandé de faire des choix entre deux urgences parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'opérer les deux en même temps. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, nous, sur un plan médical, vous avez 300 plumards, je schématise, hein, vous avez 300 plumards, ils seront occupés. Il n'y a pas de problème, il y aura des gens dedans. Après, s'il y a 500 demandes, il y aura 300 personnes dedans, dans ces plumards. Et donc, il y en aura 200 qui seront peut-être moins urgents, peut-être moins machins, mais qui ne pourront pas y accéder. Donc, il faudra faire des choix. C'est ce qu'on appelle du triage. Ça se fait relativement naturellement. Seulement, les critères de tri vont être de plus en plus sélectifs. Ouais, plus ça va être le bordel et plus ça va... En fait, et puis il faut voir un bon exemple. C'est celui que j'utilise beaucoup. C'est l'exemple de Dieppe. Bon, alors, je suis en Normandie, donc je connais un peu les hôpitaux à côté de chez moi. Et l'hôpital de Dieppe, par exemple, ils avaient 10% du personnel de l'hôpital qui était en arrêt maladie. 10% du personnel médical qui en arrêt maladie, ils étaient obligés de fermer 30% ils pouvaient tourner que 30 à 40% des activités normales. Parce qu'évidemment, 10% du personnel, c'est pas 10% du personnel médical, c'est 10% du personnel total. Et donc ils avaient beaucoup plus de personnel médical qui était médical et paramédical, enfin je veux dire médical soignant, voilà, soignant au sens large du terme, qui était en arrêt. Pour Covid, c'est sans compter les gens qui sont en arrêt pour pas Covid. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont en arrêt pour pas Covid. Et donc, ça déstabilise, ça déstructure très rapidement un système de santé. Donc, un hôpital qui est comme ça, il est obligé de transférer, sauf qu'on a des hôpitaux qui sont déjà un petit peu surchargés pour d'autres raisons. Donc, on se retrouve avec un emballement du système qui peut être très délétère. Et juste pour faire la petite blague, maintenant, je suis un vrai streamer, on a vu ma chatte poilue sur Twitch. La classe. À Dallas. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ben nous, par exemple, il y a la clinique dans laquelle je bosse, là où je vais faire quelques vacations, ils avaient tout le personnel du secteur d'oncologie, c'est-à-dire d'oncologie médicale, des gens qui sont opérés, enfin qui sont pris en charge pour des cancers et tout ça, qui est tombé malade du Covid. Et ça se diffuse vite, c'est-à-dire ça se diffuse à la fois au personnel et à la fois aux patients. Et du coup, le secteur a dû être mis en quarantaine. Plus personne ne rentre, plus personne ne sort du truc. Donc, ça a été assez long, assez fastidieux à manager. Ça a été très compliqué. Mais vous voyez que ça peut paralyser, c'est-à-dire l'oncologie médicale, c'est-à-dire la moitié des lits d'oncologie médicale du département ont été bloqués à cause du Covid. Pas fondamentalement parce que les gens étaient malades du Covid, mais parce qu'on ne pouvait pas utiliser ces lits à ce moment-là. Donc, ouais, ça a un très, très fort pouvoir déstructurant, le Covid. Effectivement. Il y a quelqu'un qui demande, alors pendant un temps, n'y avait-il pas plus de malades Covid en réa que tout le reste réuni en temps normal? Si, c'est sur la crise majeure, on avait une majorité des patients qui ont été hospitalisés en réa qui étaient des patients Covid. Il y a même des lits supplémentaires qui ont été ouverts, c'est-à-dire sur les lits qui sont indiqués soins intensifs, c'est-à-dire c'est pas de la réa. On les a un peu renforcés pour qu'ils deviennent des lits de réanimation pour pouvoir accueillir des patients Covid. Ce qui signifie que ces lits de soins intensifs qui sont habituellement occupés par des infarctus, par du post-opératoire très lourd, Alors, vous ne pouvez plus les accueillir, ces gens-là. Tu m'arrêtes si je me trompe, Jérémy, là, on me pose une question. Pourtant, on voit en ce moment l'incidence en Angleterre et au Portugal, par exemple, en chute libre. Ouais, mais si je ne me trompe pas, ces pays sont en confinement. C'est ça. Depuis quelques semaines, ils sont en confinement dur. En Angleterre, je crois qu'ils sont en confinement sévère. Hein. C'est ça, ça fait quelques semaines, oui. Donc oui, effectivement, quand vous mettez en place des mesures de restriction strictes, vous avez... Si vous ne circulez pas, vous ne faites pas circuler le virus, quoi. Donc, à un moment ou un autre... C'est ça. Moi, pour l'Angleterre, c'est sûr, hein, ça fait des semaines qu'ils y sont, mais le Portugal, faut que je vois depuis combien de temps. Probablement confiné jusqu'à la mi-mars, donc ouais. Ça, ouais, voilà. Mis depuis le 15 janvier un deuxième confinement général. Bah oui, enfin effectivement, quand ça fait un mois, effectivement. Bah oui, ça fait un mois. Si ça fait un mois qu'ils sont en confinement, bah oui, ils ont l'incidence qui est en chute libre. Je veux dire. Cela me paraît logique. Bah oui. Je dis mais... oui. Je dis oui. C'est logique. Oui, oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc oui, non, effectivement, ça baisse. Julien, voilà. On pense à toi. Ouais, c'est ça. Maintenant, ça va devenir une référence de vieux bientôt. Tiens, mais de qui mais ouais, il faudrait qu'on essaye d'avoir l'autre là. Faudrait qu'on essaye. Il est sur Twitch maintenant. Faudrait qu'on essaye de l'avoir. Ou ouais, grave. C'est marrant. Oui, il avait arrivé. Comment dire parce que il y a. Alors, il y avait une question. Il faut que je la retrouve. Est-ce que ça fuse hein, pendant il y a. Alors, c'est encore un autre sujet, mais par rapport au cancer. Ouais. Claude Gros, c'est une habituée de ma chaîne qui dit il y avait plusieurs mois, il y avait eu quelque chose comme 30 000 cancers du sein, je crois, détectés en moins en 2020. Or, la probabilité que ces cancers n'existent pas est nulle. C'est donc des dépistages qui seront tardifs. Il y a des retards, il y a des retards diagnostiques. Pas forcément tardifs, mais des retards diagnostiques. C'est évident. Probablement, oui. C'est évident. Ben oui, quand vous avez les secteurs qui sont occupés à faire autre chose, ben vous avez moins de temps pour le dépistage, vous avez moins le temps pour vous occuper des trucs moins graves, vous avez moins le temps pour faire de la prévention. C'est toujours le parent pauvre de la médecine, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes occupé à faire des trucs bien durs, bien gras, ben vous faites moins de prévention, quoi. C'est comme ça. Après, il y a une question j'imagine que vous n'avez pas la réponse et que vous n'êtes pas le genre à faire votre professeur Raoult, quoi, avec le dos mouillé, mais là, quand je vois le truc, là, avec les variants qui arrivent, et puis là, il y a quelques jours, j'ai entendu, oui, maintenant, il y a le variant du variant anglais, il y a le variant de tel pays, non, on ne va jamais s'en sortir. C'est quoi le... Eh ben, des variants sur un virus, ça existe en permanence, c'est-à-dire des petites variations autour du virus. Parce que là, on est déjà en galère de dose de vaccin pour la première version. Il y a déjà les 2.0 qui arrivent. Là, la question qu'on va se poser, la première, c'est est-ce que nos vaccins, aujourd'hui, sont efficaces vis-à-vis des variants. C'est la question qu'on se pose. On n'a pas cette réponse pour l'instant. On commence à avoir des éléments de réponse. Il n'y a pas le recul, quoi. Il faut être exposé, en fait. On ne l'a pas étudié. C'est-à-dire, est-ce qu'en étant vacciné, par exemple, avec le vaccin A, B ou C, je suis protégé du variant éventuellement A, B ou C? Et ça, c'est une question à laquelle on va répondre au fur et à mesure, sur laquelle on va avancer. Pour l'instant, on a quelques données et en général, la réponse, c'est oui, mais pas totalement. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on nous dit, c'est-à-dire qu'on a un taux de protection qui n'est pas le même que pour le virus pour lequel il a été spécialement designé. Donc, c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas fou. Donc après, à quelle hauteur? À 50%, 60%, 70%, ce qui en chiffres ne veut pas dire grand-chose parce qu'on parle d'un taux de protection, mais une durée d'exposition, tout ça. Donc, c'est compliqué de répondre à ça. Donc, la première question, ça va être est-ce que nos vaccins sont efficaces? La deuxième question, c'est s'ils sont moins efficaces ou pas efficaces, ça va être de créer ce qu'on appelle des vaccins multivalents, c'est-à-dire qu'on aura le vaccin pour le Covid de base, puis le vaccin, enfin, associé à un vaccin pour le variant A, le variant B, le variant C. Donc voilà, donc, on va avancer un petit peu à vue. Donc ce qui pose problème, entre guillemets, sur les variants, c'est une mutation très particulière, je ne sais plus comment elle s'appelle, E484Y ou quelque chose comme ça, qui fait que la réaction immunitaire, enfin la création d'une immunité est moins performante. C'est celui-là qui vraiment nous pose question aujourd'hui. Pour le SUDAF. En fait, l'anglais est en train de développer cette mutation-là. Il y a des recombinaisons qui se font avec, entre l'anglais et en gros, les virus, quand ils se rencontrent, ils rentrent en compétition et en fait, ils se recombinent les uns les autres. En fait, ils se filent du matériel des uns aux autres et c'est un petit peu la merde. Et là, on nous dit le vaccin AstraZeneca échappe aux variants sud-africains. Il y a une étude qui le montre. Alors, il faut prendre cette étude avec beaucoup de pincettes. Ils n'ont pas beaucoup de cas. Ils ont à peine 2000 cas. C'est donc, très peu de cas, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des résultats, mais l'intervalle de confiance, c'est-à-dire l'intervalle de chiffres dans lequel on peut attribuer que la valeur réelle se trouve. C'est-à-dire que quand on donne un chiffre, quand on parle, ça c'est quelque chose, il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire quand on vous donne un chiffre en médecine, que ce soit une moyenne, n'importe quoi, si on ne vous donne pas l'intervalle dans lequel de confiance, qu'on appelle l'intervalle de confiance 95%, dans lequel se trouve cette valeur, ça n'a aucune valeur. D'accord ? Vous ne pouvez pas en tirer une information. Parce que typiquement là, il trouve que le variant ne répond pas au vaccin, sauf que leur intervalle de confiance est tellement large qu'il comprend des valeurs négatives comme des valeurs positives. C'est-à-dire que la vraie valeur se trouve quelque part dans le négatif et dans le positif. Donc ça peut être soit très efficace, soit pas du tout. Sauf qu'on n'a pas la donnée. Et ça, en fait, gros, l'intervalle de confiance, pour vous donner un ordre d'idée, c'est on vous dit, par exemple, mon résultat, je pense qu'il est de 25. On vous dit, voilà, le chiffre, c'est 25. Par contre, l'intervalle de confiance, c'est 25, mais ça pourrait être entre moins 100 et 2000. Donc, vous êtes là, vous dites, ouais, c'est pas assez précis, si vous voulez, pour avoir une réponse. Parce qu'on vous dit 25, c'est à peu près, ça doit touiller par là, mais j'ai vraiment une palette, entre guillemets, de possibilités qui est énorme. Ça signifie que vos résultats, statistiquement, sont pas suffisamment forts pour permettre de le raccourcir. Donc, si on vous dit, j'ai un gain de 2, mais il est situé entre 1,5 et 2,5, vous êtes sûr que vous avez un gain? Si on vous dit 25, mais ça se situe entre moins 1000 et plus 1000, autant rien répondre. Et en général, quand votre intervalle de confiance comprend 0 ou 1, ça dépend de ce qu'on cherche, mais enfin bref. On ne peut pas savoir, grosso modo. C'est trop flou, d'accord ? Donc, vraiment, c'est important sur ces données statistiques. On peut vous donner des tas de trucs. Si on ne vous donne pas soit le P, soit les intervalles de confiance, soit d'autres mesures pour vous donner la fiabilité statistique du chiffre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous donnez un chiffre sans sa fiabilité statistique, ça ne veut rien dire, quoi. C'est ça. Faites-y attention. Donc, voilà. Enfin, bref, c'était le message biostatisticien. Abonne-toi. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre que quand on vous balance des chiffres, quand on vous dit, voilà, le résultat, c'est ça. Le problème, c'est que un truc aussi basique qu'un chiffre en médecine et quand on fait de l'épidémie ou quand on fait de la biologie en général, quand on fait quelque chose qui varie d'une personne à une autre, où c'est pas fixe, c'est-à-dire c'est pas des données, c'est pas genre tu fais un calcul, ça tombe juste, quoi. Quand c'est quelque chose qui peut varier sur une population, s'il n'y a pas la marge d'erreur, vous ne pouvez pas déterminer, en fait. Et le problème, c'est que les marges d'erreur, on ne les donne jamais. Et ça, c'est vraiment problématique. C'est dommage, ouais. J'ai plusieurs questions de mon côté. Moderna travaille sur une adaptation de sa deuxième dose pour les variants. Ouais, mais ça va sortir quand? C'est ça la question. Ça ne va pas sortir demain. Ça va sortir dans plusieurs mois, peut-être dans un an. Donc, voilà. Donc, il va falloir être patient. Et puis, on n'a pas encore les ressources logistiques, entre guillemets, pour proposer, entre guillemets, des vaccins à tout le monde. Alors, il y a des accords de principe sur les chaînes de production dans l'industrie pharmaceutique. En France, par exemple, il y a plusieurs industriels pharmaceutiques différents qui se sont mis en accord entre eux pour accepter de produire le vaccin d'un autre mec. Faut vous rendre compte de ce que ça représente. C'est-à-dire que tout le monde est tellement emmerdé que des industriels différents se mettent ensemble pour pouvoir produire le vaccin d'un autre type. Ouais. D'autres questions? J'ai vu que le dossier pouvait être allégé vu le procédé. Oui, ça peut être plus simple, mais ça prendra du temps. Ne serait-ce que pour le développer et le produire. Désolé. Il y a une question là, qui va demander à faire beaucoup de préliminaires parce qu'il y a des termes qu'il va falloir expliquer avant de répondre à la question. Y avait-il des discussions sur le fait de faire les différentes phases ou non pour les vaccins à ARNm? Alors, toutes les phases ont été respectées. Toutes les phases ont été faites, c'est juste que le process a été accéléré. C'est-à-dire que, grosso modo... C'est même pas accéléré, c'est que... Ouais, enfin, si, non, mais... Non, c'est que l'Union européenne, en gros, a dit « Je vous donne la thune, vous produisez le vaccin, vous nous filez des données sur le vaccin. S'il fonctionne, ben, comme ça, la chaîne de production sera déjà lancée. » C'est ça, ils ont déjà produit le vaccin. Oui. C'est ça, il y avait déjà un stock de production, c'est-à-dire on avait dit lancez tout, lancez le bordel, testez le machin, s'il passe les tests, c'est très bien, et il sera produit et commercialisé en Europe et ça ne pose pas de problème, ça nous fait plaisir, hein, à partir du moment où il était testé correctement et selon les standards européens. Et on a dit, par contre, s'il est testé et que c'est de la merde, à ce moment-là, on vous paye tout. C'est-à-dire tous les vaccins que vous avez produits, machin, on paye. Donc, c'est ce qui a été décidé au niveau de l'Union européenne. C'est sûr que ça coûte du blé, ça coûte de l'argent et ce n'est pas sur un résultat garanti. Mais c'est ce qui nous a permis d'être un peu plus proactifs sur la production de doses. Et on voit que c'était un peu nécessaire parce que on est en pénurie. Mais c'était attendu qu'on soit en pénurie. Alors aussi, il y a un autre truc qui s'est passé pour vous expliquer les différentes phases. Différentes phases, elles ont été faites en parallèle. Alors, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Alors déjà, quand on produit quelque chose, on fait une première phase, on dit bon ok, ça a l'air de fonctionner. Et donc on va chercher des financements, on essaye de motiver un petit peu pour obtenir d'autres trucs, pour mettre en place des nouvelles études. Voilà. Là, toutes les phases, elles ont été faites en parallèle les unes des autres. Et surtout, en période épidémique, quand on teste un vaccin, ce qui est intéressant, c'est qu'on vaccine des gens, on ne vaccine pas des gens, on les expose dans la population et on regarde ceux qui sont malades et ceux qui ne sont pas malades. Sauf que pour une maladie qui se développe, genre par exemple l'hépatite B, un truc très con, il faut que les gens soient exposés, qu'on regarde s'il y en a qui tombent malades à un moment ou à un autre. Donc il faut quand même qu'ils aillent baiser à droite et à gauche sans capote, qu'ils fassent un peu n'importe quoi, qu'ils sont exposés à du sang, enfin, bref, et des trucs qui doivent se passer. Ou une méningite, hein, pareil, hein, il faut attendre que les gens soient exposés à de la méningite. Et donc on contrôle au bout de quelques années, parce qu'il faut du temps pour que les gens soient exposés, pour vérifier s'ils sont plus ou moins malades. Sauf que là, en pleine période de pandémie, tu vaccines des mecs, tu les balances dans la population et tu regardes. Et en un mois, tu as tes résultats en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc tous les tests ont été faits à très grande échelle. Je veux dire, 40 000 personnes pour le vaccin Pfizer, pour un test de vaccination en moins de 6 mois, ça fait du monde quand même, hein. C'est pas une petite étude, c'est pas les 40 clampins de l'IHU de Marseille, hein. C'est une question qui est beaucoup revenue, ça, c'est que, comment ça se fait que normalement il faut des années et des années pour développer un vaccin et que là en 6 mois ils sont sortis du chapeau, il y a les gens qui comprenaient pas en fait. Mais non, c'est pas qu'ils sont sortis du chapeau, c'est juste que la période épidémique permet. Je vais prendre 10 secondes pour remercier Castor qui nous a raidé, ouais, ça fait plaisir. Mais là, nous on va raider Laurent par contre. Wow, c'est ça. On ira raider Laurent en suivant, ça va être pas mal. Donc, on parle un petit peu de vaccins avec Laurent Charrier de la chaîne Point de vue social. Et on était en pleine explication. On est en train de pirater ça en son live, en fait. Carrément. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu disais, François ? Excuse-moi, Déjà, quand on teste un vaccin, donc on cherche une exposition à une maladie pour voir si ça fonctionne, en période épidémique, c'est plus facile. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand vous déposez un dossier pour un vaccin, pour, je sais pas moi, la méningite, à l'Union européenne, dans un contexte pas du tout épidémique, il est étudié au milieu des autres trucs. Quand vous êtes en pleine période épidémique, vous avez une pandémie, que vous êtes un mec qui dépose son dossier pour un vaccin, dans la journée, tout le monde est déjà réuni pour regarder le dossier et faire ça le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on vire tout le reste, on fait du tri horizontal pour tout le bordel, on prend le dossier, on regarde et on essaie de rendre un avis rapidement. Donc, évidemment, un truc aussi hardcore qu'en ce moment, quoi. C'est le monde entier. Les étapes ont été faites, elles n'ont pas été raccourcies, elles ont même été plus longues sur certains trucs que d'autres choses. C'est juste que le temps nécessaire pour le faire a été raccourci. C'est ça. On n'a pas d'autant de temps que d'habitude. C'est-à-dire que si vous avez un dossier, typiquement, si tu sors un médicament, par exemple, pour qu'il soit validé par les autorités sanitaires, ça prend son temps parce que c'est sous une pile de dossiers et puis c'est chacun son tour et puis c'est en commission et machin. Là, ça ne fonctionne pas pareil. Là, la HAS, il y a un vaccin qui sort, il est sur le haut de la pile et on lui dit tu vas faire une commission exprès pour pouvoir évaluer ce vaccin. En fait, probablement, le mec attendait dans la pièce. Hein. Ils étaient déjà là, ils attendaient qu'on leur apporte le dossier en fait. C'est ça. Donc, les mecs sont ultra chauds en fait. C'est-à-dire que les décisions se rendent beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de force et tout ça parce qu'il y a un enjeu majeur en termes de santé publique et surtout sur économique, social, tout ça. Enfin, c'est une galère, le Covid. Donc, je vous laisse imaginer si la commission scientifique européenne avait pris son temps en disant oui, on rendra notre avis dans 3 mois. Non, c'est ça. Dépôt de dossier, il fallait donner l'avis pour il y a 48 heures, quoi. Ah, la réunion trimestrielle, ça s'est fait le 5 février. C'est con, les gars. La prochaine commission, c'est le 7 mai. Non, c'est injouable. Donc évidemment, oui, il y a des trucs qui vont plus vite quand c'est Covid que lorsque c'est des choses qui sont un peu plus classiques. Mais, est-ce que ça plaît à l'explication satisfaite tes auditeurs, Laurent ? Je ne sais pas. Ah oui. Après, je vous avoue, j'ai une communauté qui prêche un peu dans notre paroisse. Hein. Ceux qui s'imaginent qu'il y a un complot mondial de Bill Gates, ils ne sont pas trop réguliers sur ma chaîne. En fait, on a accéléré l'administratif et d'un coup, ça marche. Il y a peut-être une leçon à tirer là. Mais enfin, vous vous rendez compte qu'il y a des centaines de milliers de trucs qui sont développés tout le temps. Ça prend une blinde de temps. C'est juste que là, tout ce qui concerne le Covid, ça va vite, mais ça va globalement relativement vite sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments, entre guillemets, pour le cœur par rapport à quand j'ai passé mon internat en 2004, quand j'ai commencé à étudier tout ça. En 2004, quand j'ai passé l'internat et le moment où je bosse, il y a quasiment tout le corpus, tous les traitements qui sont donnés, qui ont changé, qui ont évolué. Et c'est super, ça a vachement évolué. Mais maintenant, enfin voilà, ça a pris du temps, il a fallu qu'on évalue tout ça, ça a pris son temps. C'est peut-être pas aussi vite que vous l'aimeriez, mais c'est un élan formidable, quoi. Ah, tu as raidé, du coup? Bah oui, j'ai raidé. Voilà. Bah, écoute, faisons ça. Je regardais pas le chiffre, et du coup, là, je l'ai en plein souligné avec la notif. Merci beaucoup. Fait. Mais non, mais je veux dire, au moins que tout le monde soit sur le chat au même endroit, ce sera beaucoup plus... Mais oui, ça va aller, ça va aller encore plus vite. Mais tu as fait le raid surprise, hein. C'est formidable. Ouais, voilà, c'est ça, le raid furtif. Ninja. Ouais. Allez, donc ouais, ça prend, ça va plus vite, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça va déjà vite, la médecine. Donc effectivement, on essaie d'aller beaucoup plus vite avec tout ça. Après, sur le vaccin, il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur la technologie, mais la technologie, ça fait 10 ans à peu près qu'elle est prête, qu'elle était en train d'être testée, 30 ans qu'on l'étudie, évaluée et 10 ans à plus, petite échelle. Et c'est juste à ce moment-là, on a dit, eh ben, vous avez une, comment elle appelait ça déjà, Pauline, une structure, une plateforme, c'est plateforme. Ça. Vous avez une plateforme qui se produit vite, qui est un peu plus onéreuse, mais bon, là, on n'est pas à ça près, qui se produit vite, qui peut permettre d'avoir un vaccin disponible très vite et avec quelque chose de relativement innovant. Il y a des mecs, il y a des labos qui ont dit, ben, feu, on va la tester. Et effectivement, on se rend compte que la plateforme de Pfizer et de Moderna, qui est une plateforme ARN, a été développée plus vite. Et c'est plutôt pas mal. On a d'autres plateformes avec des virus Non, l'adénovirus, c'est encore plus sioux. L'AstraZeneca, c'est un autre virus. C'est même pas le coronavirus, c'est un autre virus sur lequel on a implémenté des protéines de coronavirus. C'est-à-dire que les gens qui parlent de modification génétique, celui-là est plus modifié que l'ARN messager. C'est-à-dire que c'est, pour moi, ça, c'est plus compliqué, c'est plus de modifications. C'est-à-dire qu'on a pris un virus qu'on connaît, sur lequel on a mis des protéines d'un autre virus et qu'on envoie dans les gens. Enfin, c'est... Quand tu regardes, il est rock'n'roll, celui-là. Ouais, et voilà. Puis voilà. Donc, et alors, voilà, le russe et le chinois. Alors, le russe et le chinois. Je répète, c'est un truc que je dis tout le temps. La médecine avec un grand M, la médecine, voilà, l'art médical, se fout profondément d'où vient la technique. On se contrebranle de savoir d'où ça vient. On se contrebranle de savoir si ça paraît bizarre ou pas. Le seul truc qui est important, c'est est-ce que ça putain de marche. C'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez être, ça peut être de la médecine traditionnelle chinoise, des trucs de chaman d'Amérique, des trucs d'Afrique, de où on veut, on s'en fout. L'important, c'est que ça fonctionne. Si demain, on me démontre scientifiquement que chier dans un violon, ça guérit le cancer, mais putain, je chie dans un violon tous les jours. Ne le faites pas pour l'instant, non. Ça ne sert à rien. Mais N'allez pas détériorer des instruments de musique, hein, ce n'est pas une bonne idée. Mais voilà, c'est pas un problème, en fait. Ils sont russes et ils sont chinois, mais s'ils sont de qualité qui fonctionne, mais banco, quoi. Banco. Les Cubains sont des mecs qui arrivent à faire des trucs très bien, et c'est les Cubains. On pourrait se dire, après, c'est les Cubains, quoi. Ben bon, ils font des trucs super cool. Le problème qu'on avait avec le vaccin russe et qu'on a toujours avec le vaccin chinois, c'est qu'il n'y avait pas de données publiées. C'est-à-dire, on nous disait, ça marche, frère. Et c'est bien, si vous voulez que le mec te dise, ça marche, frère, mais on a envie d'avoir un peu de concret. Là, les Russes l'ont publié, je crois, dans le Lancet. Je ne sais plus où l'année dernière. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Je crois qu'ils l'ont publié dans le Lancet, ils ont publié leurs chiffres. Donc là, c'est intéressant. On a des chiffres, c'est-à-dire on a des données qu'on va pouvoir comparer et ces chiffres vont être analysés par les autorités sanitaires, l'EMA pour l'Europe et la HAS pour la France. Et en fonction de tout ça, la HAS ou l'EMA va nous dire « T'inquiète frère, c'est des chiffres qui sont robustes, on a pu vérifier les données, c'est cool. » Et à ce moment-là, ben, on va, de toute façon, on est en galère de vaccins. Donc s'ils nous disent « C'est OK, ça marche eh », ben, on va utiliser cette plateforme-là et on va dire « OK les mecs ». Et la Russie va devoir galérer d'autant plus parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient l'infrastructure pour développer des millions et des milliards de vaccins, tout ça. Donc évidemment, on va se retrouver en situation de pénurie. Mais déjà, il y a un effort de fait auprès de la Russie, ben, c'est qu'ils ont publié leurs données et que du coup, on sait de quoi on parle. Et avec des chiffres qui sont relativement satisfaisants. À vérifier, encore. Ouais. Mais voilà, la Chine n'a pas fait cet effort. C'est-à-dire que le Sinovac, Vous avez juste le gouvernement chinois qui vous dit « crois-moi frère ». C'est bien, mais… Mais non. C'est, on va non, j'ai mis les doutes. Je suis le dubitatif. Voilà. Donc voilà, voilà, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Et une méthode, par exemple, ARN, parce que je le vois, hein, que le Sputnik V, c'est une plateforme adénovirus comme AstraZeneca. Ça peut être la même technique, ou je crois que c'est la même chose. Ça peut être la même technique, ça peut être même la même plateforme. Si vous ne le faites pas bien, vous avez des résultats pourris, en fait. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Moi, on a tendance à faire confiance aux autorités sanitaires pour nous dire si c'est du bon ou si c'est pas du bon. Ouais, voilà. En fait, tout dépend quel est votre état d'esprit. Moi, j'ai tendance à faire confiance aux autorités sanitaires parce que je considère que de base, leur volonté, c'est d'améliorer la santé de la population. Mais évidemment, si votre principe de base, c'est pas ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, ouais. C'est sûr que. Mais moi, j'ai aucun problème avec le vaccin russe ou le vaccin chinois. Moi, tout ce que vous me montrez, les données ont l'air d'être fiables, go, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas de. Encore une fois, la science n'a pas de. La méthode scientifique et la médecine n'a pas de frontières, n'a pas de. Comment dire, n'est pas raciste. Enfin. N'est pas, ne non, devrait beau, pas l'être. C'est beau ce que tu dis, mais de manière capitaliste, entre guillemets, oui. Ces vaccins ne sont pas en concurrence. Ah oui, voilà, ça aussi, ça c'est un autre truc. Il n'y a pas assez de stock, on en manque. Donc, s'il y en a un nouveau qui arrive et qui nous dit on va être vacciné plus vite, il n'y a aucun souci, hein, les mecs s'en foutent. Hein. Au contraire, hein, mettez-en à balle et puis on verra. On sera en concurrence un peu plus dure lorsque l'offre dépassera la demande. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc, aujourd'hui... Et d'un point de vue purement... Moi, vas-y. Voilà. Donc, il n'y a pas ce souci à ce niveau-là. Je vois d'autres questions qui viennent. Attends, parce qu'on est quand même chez Laurent, quand même. Oui, pardon. Oui, allez-y, parce que moi, j'essaie de balancer aussi l'URL de vos chaînes YouTube dans le chat. Oui, j'ai vu ça, mais... Non, mais si tu as des questions, c'est quand même chez toi qu'on est, donc... C'est vrai. Non, après, il y avait des questions qui étaient un peu moins médicales, justement, tout à l'heure. Ça intéresse aussi les gens, c'est bien normal. Comment ça se gère au niveau psychologique, au niveau du personnel hospitalier? Parce que c'est... Au niveau des patients hospitalisés, pourquoi? Non, pas des patients, mais personnel. Au niveau du personnel. Ah bah ça se gère pas. Ça fait un peu penser au... Ou ben, même de Mr. MV, là, ça fait long quand même, là, ça fait beaucoup là, non? Ouais, c'est ça. Non, c'est chiant, tout le monde en a râle. Ouais. Il y a le personnel. Ça commence à fatiguer les gens, oui. Il y a le personnel qui a été usé, c'est-à-dire qu'on leur a dit. Pour le premier confinement, il faut vous rendre compte qu'il y a du personnel qui a été rapatrié à Paris parce que c'était vraiment le bordel, donc il fallait être en renfort sur les zones qui prenaient Covid cher. Ces gens-là n'ont pas forcément été rémunérés, payés pour ce qu'ils ont fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on leur a dit, j'espère que vous n'êtes pas déplacés pour l'argent, parce que sinon ça craint. Du coup, ça faisait un peu pleurer. C'était pas très cool, c'était pas très Charlie. Il y a des vacances qui pètent en permanence, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas prendre leurs vacances comme ils veulent, et pas dans de bonnes conditions, parce que c'est mi-confinement, mi-saucisse, donc c'est quand même pas sympa. Et ça commence à être usant, c'est-à-dire sur le plan moral, on est un peu dépité parce que nous, on n'en voit pas la fin, parce que ça prend un petit peu de temps. On est relativement rassuré parce qu'on a commencé les campagnes de vaccination pour le personnel. Ça remet un peu de baume au cœur, c'est-à-dire on se dit, c'est relou, c'est sûr, mais on a un peu moins de chances de mourir. Et depuis le début de l'épidémie, vous avez réussi à naviguer entre les gouttelettes, vous, vos proches Non, moi j'ai dans mon cabinet, aucun de mon personnel de mon staff ne l'a eu. Pourtant, je travaille dans la bouche et donc on n'a pas été exposé, mais on fait très attention. On a mis en place tout ce qu'on pouvait mettre en place pour faire ça. Mais moi j'ai pris en charge des patients, Covid. Mais on a fait ce qu'il fallait quoi. Enfin, ça marche en faisant attention, ça, on y arrive. C'est en faisant n'importe que ça marche pas quoi. Il y avait c'est un compliqué. Truc que je me rendais compte ce matin, parce que moi je bosse dans des écoles, donc forcément je l'ai chopé. C'est j'aurais pu ne pas le choper. Vous bossez en hôpital, il y a plein de patients Covid et puis vous le chopez pas. Mais moi je l'ai eu et j'ai bien morflé. Alors par contre c'est efficace pour perdre du poids. Ah oui, j'ai perdu, cool. Ah oui, j'ai perdu 7 kilos en 5 jours, c'était bien. Ah, c'est à mon avis, ça doit être 7 kilos de bons muscles. Donc, ouais, voilà, exactement, exactement. Oui, ça demande moins de boulot au corps de bouffer le muscle plutôt que le gras. Donc, c'est ça. C'est ce qui est parti en premier. C'est une voie, catabolique privilégiée. Ouais. Donc ouais, c'est le muscle qui morfle en premier. Ouais, on a besoin de protéines pour faire de l'inflammation. Pas de gras, c'est pas le gras. C'est les Toubib, il m'avait expliqué que ça, le corps, il est fainéant, il va aller vers le... Quitte à avoir le même effet, il va aller vers le truc qui demande le moins d'effort. Et pour fabriquer de l'énergie, ça lui demande moins d'effort de bouffer du muscle que de bouffer du gras. Mais c'est pas ça, c'est juste qu'avec du gras, tu ne produis pas d'acide aminé en fait. Tu as besoin d'acide aminé pour faire de l'inflammation. Tu as besoin principalement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'alanine et de leucine. Et ça, bah, tu les trouves dans les protéines, quoi. Donc tu détruis des protéines. Mmh. C'est pour ça que les gens qui sont par exemple en cours de cicatrisation ou avec des gros périodes inflammatoires, bah, en fait, il faut qu'ils mangent. De ouf, ils ont besoin d'un apport protéique assez important parce qu'en fait ça leur, permet de tenir le coup, quoi. C'est pour ça que typiquement chez les patients qui sont en réanimation ou même des patients âgés hospitalisés, très souvent on leur donne des compléments protéiques, le Renutril, les machins comme ça, c'est fait pour redonner de l'apport protéique, justement pour éviter qu'il y ait ce catabolisme protéique, c'est-à-dire cette consommation des protéines de notre corps. Des frais jubins. Hyper protéinés, des boissons, je ne sais pas combien de calories de protéines. Généralement, c'est 2000 kilocalories. Généralement, c'est. C'était ça de mémoire. Ouais, c'est 2 kilocalories par millilitre et c'est 2 grammes de protéines par. Les petits trucs, ça restait pas parfum vanille. Il y a frais jubin ou frésénus ou. C'est ça. Mais ça, c'est le BABA de la médecine. Pour le coup. T'as la valence IV pour les gens qui peuvent pas trop manger parce qu'ils ont un tube dans la gorge. C'est sympa ça aussi. Ouais, non, moi, j'étais pas intubé, j'étais même pas sous oxygène, j'ai juste été en pneumologie en observation 5 jours. Parce que j'avais. Ils ont fait un scanner des poumons, ils ont vu toutes les lésions, ils ont dit bon, on va vous garder. Parce que je reprenais ma respiration au milieu d'une phrase pour dire bonjour à quelqu'un. Donc, Pas bon. J'étais un peu comme le pote à Malcolm dans la série qui fait bonjour. Mais c'était vraiment ça, quoi. Au téléphone, les potes, ils m'ont dit, il y a un truc qui ne va pas quand même là. Bon, t'es sûr? Oui, il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, ils m'ont vérifié la SAT en oxygène. Toutes les 3 heures, ils venaient, toc, toc, toc. Bonjour, monsieur Charlie. Même la nuit, quoi, c'était horrible. Bah, je ne pouvais pas me reposer, mais ils rentraient, tension, la température, la SAT. Tout va bien. Allez, salut. Il repart 3 heures après, toc, toc, toc, bonjour. C'est rigolo parce que quand on expose, entre guillemets, le Covid, on perçoit, entre guillemets, l'hospitalisation, c'est-à-dire le moment où vous êtes hospitalisé, 3 jours. Tout le reste, après, on s'en fout. C'est-à-dire tout le reste, de se remettre un petit peu en caisse, de récupérer la Disney, l'essoufflement qui va rester, c'est quelque chose qui est un peu mis à l'as. C'est pas très important. Voire même, ça n'existerait pas. Les conséquences psychologiques, l'impact que ça peut avoir sur le plan professionnel et tout. Tout ça, c'est mis vraiment... de côté. En général, on en parle assez peu, finalement, et je trouve que c'est gravissime, quoi. Enfin, c'est une vraie grosse maladie, bien, bien charnue, et qui peut se tenir sur plusieurs mois pour avoir une récupération complète, j'entends, hein, c'est-à-dire restitution ad intégrum, là, comme on est de base, hein. C'est pas... Là, hier, assez tonique, hein. Dans une école, hier, il y a un gamin, donc pas un gamin dont je m'occupe, mais un gamin qui s'est blessé, bien comme il faut, et les collègues, ils ont appelé les pompiers ne trouvaient pas l'école, donc moi j'étais dans la rue, faire signe au camion pour qu'ils trouvent le chemin, machin, et j'ai dû aller super loin, et après les pompiers, j'ai couru pour aller leur ouvrir la grille, j'ai couru 100 mètres et j'étais au bout de ma vie, et le Covid, je ne sais pas, en octobre, c'était octobre, novembre, décembre, machin, j'ai couru 100 mètres, franchement, je me suis dit, j'ai 120 ans, qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est chaud, vieux, quoi. Alors que je suis plus essoufflé quand je parle, ça va, j'ai récupéré, mais au niveau de l'activité physique, c'est encore... NY à chaque fois, là, mon bon Jérémy, 2. NYHA 2. Le NYHA, c'est une échelle de classification de l'essoufflement. Ouais, NYHA 3, enfin, pour dire 1, c'est pas d'essoufflement, 2, c'est pour des efforts modérés à intenses, 3, c'est au moindre effort, et 4, c'est de repos. Donc, moi, je dirais 2 fort peut-être, mais voilà. C'était juste pour la petite blague. Il y a François qui a fait une vidéo sur sa chaîne. Pourquoi on est essoufflé après l'effort ? C'est bon, j'ai fini l'effort. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as fait une vidéo là-dessus. Ouais, mais là, c'était pas le même. Mais... Ouais, ouais. C'était pas le même. Et les gens qui demandent là, pour la whey et les protéines shakes de la muscu, sachez que les protéines shakes de la muscu ont exactement la même composition que les produits médicaux qu'on donne. Hein, c'est la même composition. C'est le même truc. C'est juste que les cycles de vérification et de contrôle sont pas les mêmes. Le contrôle qualité est pas le même. Mais en vrai c'est pareil. Hein. En vrai, voilà. Pour en avoir consommé les deux, je peux vous assurer que c'est la même chose. Ça va dépendre. Après, ça dépend quel est l'objectif. Et l'avantage du Clinutren, c'est le goût vanille. C'est quand même sympa. Je vous remercie en tout cas énormément pour le raid et pour tout le monde que vous amenez. Par contre, je suis en galère, je n'irai pas du tout à suivre le chat. C'est tout un art. C'est pour ça qu'on est deux. Où pensez-vous que le discours médical a échoué dans son dialogue médiatique ? Fou, on en parle tout le temps de ça. Ouais, c'est compliqué. Ben, là où on a échoué, entre guillemets, c'est à faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas un gros barbu bien balèze qui maîtrise la médecine plus que les autres, en fait. C'est cette espèce d'image d'épinal du scientifique plus intelligent que tout le monde, envers et contre tous, de ce qu'on appelle l'homme providentiel, qui est difficile à déconstruire en médecine. Le concept de la médecine et du discours scientifique, c'est la controverse. C'est-à-dire qu'on propose un truc, on débat autour et on décide de retenir ou pas. Et cette controverse scientifique, ce n'est pas pour le grand public. C'est-à-dire que vous, malheureusement, vous n'êtes pas armé pour faire ça. Je suis désolé pour vous. Vous n'avez pas les armes pour faire cette controverse scientifique, pour pouvoir débattre, parce que vous n'avez pas la connaissance nécessaire. Même moi... Les règles, médecin, c'est juste les règles. Hein. C'est même pas... Même moi qui suis médecin sur le Covid, je ne suis pas entièrement à l'aise pour pouvoir vous dire si tel truc, telle voie, machin est pertinente ou pas, ou si tel truc est pertinent ou pas. En général, je me fie aux autorités sanitaires, aux collègues qui sont un peu balèzes et surtout à l'avis du plus grand nombre. C'est-à-dire que ce n'est pas un mec qui a raison en face de tout le monde, ça n'existe jamais ça. Très rapidement, on le reconnaît. Oui, et en général, il est plus tout seul quand il a raison envers tout le monde. Bien sûr, il n'est jamais isolé longtemps. Il n'est jamais isolé contre toute la... pendant ça. Très longtemps. C'est-à-dire qu'au début, il est tout seul et très rapidement, les gens vont « Ok, bon, ça, d'accord, pas de problème ». Ça se tient, on a des données qui sont fiables, donc voilà. Mais de toute façon, vous arriverez à convaincre personne sans données, c'est-à-dire sans dire ce que vous avez fait et comment vous l'avez obtenu. Et vous n'arriverez pas à avoir, entre guillemets, l'adhésion de tout le monde si vous n'êtes pas sur quelque chose de relativement robuste et de clair. C'est Pétain. Ah oui, là, c'est ce qu'avait sorti Raoult. C'est Raoult, ouais. D'ailleurs, il y a une compilation des grandes phrases de Raoult là, qui est sortie. C'est génial parce que vous voyez aussi ces contradictions-là. Il y a Marianne qui les a assassinées. Ça me fait rire. Mais enfin, bref, on est surtout, pas sur le point Raoult. Surtout, comme tu disais, après, que ce soit Raoult ou pas Raoult, on s'en fout. Si ça marche, ce serait méga stylé s'il avait raison, en fait. Mais ça, c'est un truc qu'on essaye d'expliquer. C'est vrai. Après, c'est très compliqué, à moins d'avoir un coup de bol monumental, d'avoir des résultats véridiques, c'est-à-dire de trouver la bonne solution en utilisant une méthodologie de merde et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est facile de faire du feu, si tu veux, avec un silex et en sachant bien comment faire, en utilisant les bons matériels et tout ça. Si tu arrives à faire du feu en faisant une incantation barbare, bon, ça peut arriver. Hein. Mais si pendant l'incantation, vous tapez sur des cailloux ? C'est ça. Ça peut arriver qu'une fois sur un milliard, il y a la foudre qui tombe pile poil à l'endroit où ça fait du feu et que c'est magique et que vous puissiez dire « Ouais, c'est l'incantation qui a fait ça ». Mais enfin, ce serait chaud. Donc, il faut une méthodologie, il faut être robuste pour pouvoir déjà convaincre les collègues. Parce que sinon, si vous arrivez avec des données toutes pourries, on va vous dire « Mais tes données, elles sont dégueulasses, mon pote. Bah, » Ce serait triste s'ils se plantaient à chaque fois, ne serait-ce que statistiquement, même s'ils ne connaissent rien, ils devraient tomber juste au moins une fois par hasard. Quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir tort à chaque fois. Ah oui, oui. Ou alors, oui, c'est qu'on a les bonnes réponses et qu'on fait exprès de se tromper. Quoi. Tu peux avoir des bonnes intuitions. Et en médecine, si tu veux, moi, on m'a présenté des théories sur l'infarctus, sur des trucs, machin, des théories qui sont... ultra séduisante, des machins qui sont ultra sexy, on te dit ouais mais ça pourrait fonctionner comme ça, on pourrait utiliser des cellules souches qu'on va aller injecter à tel endroit pour aller reconstituer du muscle, en drivant un petit peu le machin, tu dis ah c'est super séduisant, c'est super joli, ça a l'air ambitieux, ça a l'air intelligent et tout, sur le concept c'est super, puis quand tu testes c'est de la merde. Pourtant, c'est super sexy, hein, ça marche hyper bien dans la tête, dans le cerveau. Tu dis, ouais, ça pourrait le faire. Puis tu testes et c'est de la merde. Et souvent, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des théories qui sont ultra, ultra sexy où tu dis, ouais, ça pourrait être hyper cool, ça nous éviterait de faire ça parce que c'est quand même, c'est chiant, ça pourrait récupérer un max. Puis tu testes et ça marche pas. Dites-vous que... Par exemple, en cardiologie, pour lutter contre l'hypertension artérielle, il y a un truc qui marchait bien, c'était de... Enfin, on disait, on va retirer les petits nerfs au niveau du rein, parce que ces nerfs-là vont réguler, entre guillemets, l'activité adrénergique et tout ça. Et donc, ça va permettre de réguler un petit peu la tension. Donc, c'était très cool. Hein. Tout le monde était très enthousiaste sur la dénervation rénale. On a dit, ça va marcher, on ça a va fait nous ça permettre de contrôler des hypertensions artérielles. Après, tu passais avec du matériel à l'intérieur des artères et tu allais cramer les trucs un petit peu à distance en utilisant des trucs. Non, c'était très étoffé. Et puis après, on a eu les datas. Puis ça ne marche pas terrible en fait. Et puis c'est très invasif pour pas grand-chose. Pourtant, il y avait aussi, super sexy. Il y avait aussi hein. Les antiarythmiques. Il y avait aussi les antiarythmiques en post-infarctus. Ah oui. Ben, en post-infarctus, assez classiquement, en post-infarctus, on fait des troubles du rythme et on meurt des troubles du rythme. Donc au début, on a dit, ben, on va mettre des antiarythmiques plein pot de la flécaïne à tous les post-infarctus. Comme ça, on va éviter les troubles du rythme et les gens vont moins mourir. Ça paraît logique comme ça. Ouais, ça paraît hyper logique. C'est-à-dire, ça tombe sous le sens. Ça paraît hyper bien, voilà. Puis après, on a testé. C'était difficile de tester parce qu'on avait cette idée préconçue que les antiarythmiques, c'était indispensable pour éviter aux gens de mourir. Et puis, quand tu testes, tu constates que dans le groupe flécaïne, les gens meurent plus. Ça fait con. Tu te dis, ah, et pourquoi ? Et tu ne sais pas pourquoi, mais effectivement, ils meurent plus. Bon, après, tu comprends parce que c'est des histoires de canaux, de machins, et que ça favorise des troubles du rythme par réentrée, etc. Mais sur la base, tu ne sais pas trop. Et tu dis, ah, j'avais une super idée, en fait, c'est de la merde. Donc ça c'est la vie, ça, c'est la médecine, tout le temps, en permanence. On a des bonnes idées avec des grands professeurs avec des cravates et tout, des postes prestigieux, tout ça. Avec des cravates et tout, quoi. Ouais, non, ils ont des cravates, des costards cravates. Ils viennent, ils ont l'air hyper convaincants. Ils ont un CV, mais comme t'en rêverais, tu vois, avec des publications dans des journaux incroyables. Et ils te disent, regardez ça, ça va marcher de ouf. Puis c'est de la merde. Et c'est de la merde. Et tu dis, putain, mais c'est intéressant pourtant. Il dit, oui, mais c'est une bonne piste de recherche à la fin. Tu dis, oui, c'est vrai. Il fallait se poser la question. Et il fallait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent débunker. Mais ça, typiquement, le grand public n'est pas censé le savoir qu'on a testé tel truc, puis ça ne marche pas terrible. Puis on a testé ce protocole, ça ne marche pas. Et puis voilà, donc on fait des tests. Dites-vous qu'on a testé des tétrachiers de trucs. Ah ouais. Sur le cancer, sur en le cancer, VIH, vous n'imaginez même pas. Je veux dire, littéralement, les Allemands, quand on a commencé à faire des trucs, comme c'est une grosse industrie chimique, l'Allemagne, quand on a commencé à tester des trucs, les mecs, littéralement, ils ouvraient les placards, ils faisaient, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, tenez, on va tester ça, on va tester ça, on va tester ça, on va tester ça. Ça, les mecs, ils ont tout testé, tout. Ça le chat en parle, c'est ce qu'on appelle du repositionnement. C'est-à-dire, tu prends le médicament, tu prends ton abord en pharmacie, tu dis, allez, on va tester celui-là et on va voir ce que ça va donner. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le médicament, il est déjà disponible. C'est-à-dire, tu l'as déjà. Déjà, donc, comment tu peux le tester. Tu peux le prendre, tu peux le touiller dans le machin et dire, tiens, mange. Il y a moins cette étape, entre guillemets, recherche et développement, où tu vas rechercher une molécule exprès, comme ce qu'on a fait pour les vaccins, où tu vas fabriquer un truc designé pour le machin. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins onéreux. Et voilà, le véritable problème, ben, c'est que les repositionnements, ouais, ça marche vite fait, quoi. Pas surtout et pas tout le temps. Et c'est loin d'être le cas pour tous les médicaments. Il aurait été invraisemblable que sur le Covid, on trouve 17 médicaments, tous efficaces contre le Covid à la même hauteur et qu'ils soient parfaits et excellents. Alors oui, surtout qu'on n'a jamais trouvé de médicaments efficaces à la même hauteur sur des virus. C'est-à-dire qu'on on a le VIH pour lequel on a 2-3 trucs, l'hépatite B, l'hépatite C, on a un peu de traitement, mais globalement, tous les autres... Et puis, il a fallu quelques années pour trouver des traitements efficaces pour le VIH. Et puis, on les a designés pour ça. L'hépatite C, ça a mis des années, des décennies pour designer un médicament qui peut éventuellement guérir de l'hépatite C. Alors c'est que ça, c'est que je me disais, pourquoi on ne peut pas guérir ce truc-là? Après, j'y réfléchis. Maintenant, il y a des centaines de maladies qu'on ne sait pas guérir, qui existent depuis des décennies, qui tuent des gens tous les jours et on ne sait pas guérir, on ne connaît pas. Donc, on arrive à faire du palliatif, à rallonger la vie des malades, mais... C'est surtout que sur les mécanismes, par exemple sur l'infarctus, c'est une artère qui se bouche. C'est facile de déboucher une artère, c'est facile. Ouais, c'est mécanique, c'est de la tuyauterie, quoi. C'est de la tuyauterie, c'est con. Mais ce qui pose plus problème, c'est le mécanisme qui fait que l'artère va finir par se boucher. La formation du caillot, les plaques d'athérome, etc. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe et sur lequel on va travailler. Et la solution qui marche le mieux, mais qui est la plus compliquée, c'est ce qu'on appelle la prévention. C'est-à-dire que moi, 80% de mes consultations, ça consiste à dire il ne faut pas être trop gros, il faut faire du sport, il faut traiter une hypertension s'il y en a une, il faut traiter un cholestérol s'il y en a, il faut traiter des problèmes de diabète s'il y en a, et il va falloir être très rigoureux. Et ça, toute votre vie, tout le temps. Il faudra surveiller de ne pas être trop gros, de faire du sport quand même régulièrement et tout ça. C'est méga chiant, mais c'est ce qui marche. Donc, tu vas gratter 5-6 ans d'espérance de vie. Ça, tu peux me garder 20 ans. Effectivement, si tu ne fais pas 120 kilos et que tu en fais 70 pour 1m60, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, tu iras mieux, tu te sentiras mieux et tout ça. Mais des fois, c'est des évidences. Les gens le savent, effectivement, que s'ils fument des grosses clopes, ils vont boucher leurs artères. C'est assez connu, ce n'est pas non plus une découverte, machin, mais c'est compliqué. Et il faut essayer de prendre les gens. Et ce n'est pas le facteur le. Et tout ça. C'est le facteur le pire, le tabac, pour l'infarctus, À moins de 50 ans, moi, 90% des patients que j'ai, c'est les fumeurs. Oui, je sais. Après, c'est de la cocaïne, des choses comme ça, et ou des milieux familiaux un peu défavorables. C'est-à-dire que il y a des familles avec des hypercholestérolémies familiales, et c'est très compliqué à gérer tout ça. Bref. Allez voir la vidéo de Syllabus sur les bleus pour comprendre le principe de l'infarctus. Ah bon? Oui, parce que j'y ai participé, et en fait, J'ai expliqué à un moment sur le fonctionnement de l'infarctus pour expliquer le fonctionnement des. Enfin bref, j'ai dérivé quoi. D'accord. Bah comme j'ai pas trop de monde habituellement sur mes lives, vous pouvez balancer des liens URL dans le chat. Donc si quelqu'un retrouve la vidéo. Oui, non, notre communauté est plutôt cool. Donc c'est pas non plus. Ouais, ils sont gentils. Et merci à vous. Hein, vous êtes adorables. On peut vulgariser un protocole. Oui, on peut vulgariser un protocole, un essai clinique. Le problème, c'est qu'un essai clinique tout seul, ben voilà, c'est juste un truc qui est designé par un type. On dit oui, c'est intéressant, et ce sera toujours comme ça. C'est-à-dire, on va dire oui, c'est intéressant. Sauf mais il va falloir... sauf que c'est un putain de protocole. C'est ça. C'est-à-dire que t'as un putain de quand tu fais un protocole sur 20 malades, on va dire ah oui, c'est intéressant, il faut tester plus. Quand tu arrives avec des chiffres de 40 000 malades, là, tu commences à discuter, tu fais ah alors. Parce qu'un truc qui revient souvent, c'est le directeur du Lancet a dit que 50% de la littérature scientifique n'était pas reproductible et était de la merde. Oui, effectivement, 50% de la littérature scientifique, c'est probablement de la merde en médecine. En médecine. Mais ça ne veut pas dire que 50% de ce que produit quelqu'un, c'est de la merde. Ça veut juste dire que dans l'ensemble de la littérature qui est produite, il y en a une grande partie qui n'est pas reproductible. Typiquement, en chirurgie, il y a beaucoup d'études qui sont un petit peu de la merde. Mais quand tu as un laboratoire qui arrive avec une étude qui est faite sur 5 000, 10 000, 20 000, 40 000 malades, ça fait partie de la littérature scientifique ultra solide. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous développez une idée, un concept, vous n'allez pas le faire sur 40 000 malades. C'est impossible. C'est trop lourd, c'est trop compliqué, machin. Vous avez un concept, une idée, vous le faites sur une étude préliminaire, c'est-à-dire sur une centaine, 200 patients. Moi, je parle en cardiologie, peut-être sur d'autres domaines, c'est beaucoup moins, parce qu'en cardiologie, on a des très, très gros volumes, en fait. C'est pour ça qu'on a des études qui sont très robustes et des fois qui montrent des effets tout petits, mais existants. Voilà, on fait des études préliminaires et on nous dit tiens, ça c'est une idée à explorer, et ensuite on va faire la grosse étude derrière avec des dizaines de milliers de patients qui va être intéressante. Mais il est normal que sur la base d'un essai clinique sur 40 personnes, on va pas s'exciter le bulbe, on va pas dire waouh, c'est démontré, tel médicament est efficace, il faut le donner à tous les malades. Sauf cas très particuliers, genre 40 malades d'Ebola, il y en a aucun qui meurt. Tu te poses des questions. Mais c'est parce que ce n'est pas du tout le même rapport. Ou sur des maladies orphelines, où tu as 40 personnes qui sont concernées dans le monde entier, effectivement, tu ne vas pas attendre d'avoir 10 000 personnes. Ce serait complètement débile. Mais sur des trucs qui sont gros volumes, hein, comme l'infarctus, comme le cancer ou comme le Covid, tu attends quand même d'avoir des données avec plus d'un millier de personnes et des machins relativement robustes. Donc voilà. Mais c'est pour ça que c'est compliqué. C'est-à-dire que vous avez des essais cliniques positifs, vous en aurez tous les jours. Mais les essais qui vont les confirmer ou qui vont montrer à grande échelle que c'est très robuste et que c'est très efficace, il y en aura moins. Ce sera plus compliqué. Donc voilà, on va attendre, on va attendre en général d'avoir des trucs relativement robustes. C'est pour ça que c'est compliqué de parler science, parce que les gens aimeraient qu'il y ait un game changer toutes les semaines, en fait. Un truc qui va révolutionner. Ouais, on level up pas comme ça, quoi. C'est pas genre on développe une nouvelle compétence dès qu'on level up un peu, quoi. C'est pas. C'est lent. C'est lent, mais c'est surtout que comme c'est lent et que ça prend du temps, un truc qu'il faut absolument pas faire, c'est griller les étapes. C'est ça. Ça, c'est quelque chose. S'il y a bien un truc qu'il faut retenir, c'est que quand la ressource est limitée, que le temps manque, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est faire n'imp. C'est gâché. C'est gâché, c'est faire n'imp. C'est-à-dire que le temps, il est précieux parce que c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des ressources. Et donc, quand on est dans une situation complexe, il faut au contraire suivre bien les trucs parce qu'il faut qu'on puisse exploiter les données qu'on utilise, enfin qu'on fait. Si on n'exploite pas les données, enfin si on fait des données mais qu'on ne peut pas les exploiter, on a perdu du temps en fait. C'est ça. Ben, et donc, c'est-à-dire, c'est comme si vous faites un gâteau, faire simple. Si je vous dis, vous avez 45 minutes et une quantité limitée d'ingrédients pour pouvoir faire votre gâteau, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez balancer tous les ingrédients dans le seau machin en courant et en pissant dans le saladier en se disant « Allez, ça va faire un gâteau plus vite » Ou est-ce que vous allez vous dire « Bon, je vais stick à la recette bien comme il faut, je vais faire un truc bien carré, ce sera peut-être pas très original, peut-être pas très machin, mais au moins, ce sera exactement réussir, comme il y a marqué dans la recherche et je vais maximiser mes chances de recherche. » C'est ça que vous allez faire. Et effectivement, sur des données limitées et sur un machin, ce qu'on vous demande, c'est pas d'agiter les bras en faisant n'importe quoi, comme un poulet sans tête, c'est de faire un truc relativement robuste. Oui, j'utilise des expressions. Parce que moi aussi je dis ça, mais je dis ils étaient perdus comme des poules, mais c'est. Mais ça me rappelle un exemple. Heureusement, c'est le genre de choses qui n'arrivent plus aujourd'hui, ou en tout cas c'est extrêmement rare. Mais il y a quelques décennies, c'est vrai que les enfants. Moi, je bosse dans l'autisme pour ceux qui arrivent maintenant, et en fait, des fois, ils disaient oui. Avec le doigt mouillé, ouais, il répond pas quand on dit son prénom, il se retourne pas, il n'y a pas le regard, ok, donc on va mettre en place le PEX, on va mettre en place ceci, on va mettre en place cela, il va aller en classe Ulysse, il va faire ceci, cela, et après on se rend compte que, ah bah non, en fait, il se retourne pas quand on l'appelle parce qu'en fait, il est sourd. Oups. Ouais, c'est un grand classique, ça. Et maintenant, bah oui, quand il y a les dépistages, en fait, il y a tellement d'étapes avant d'arriver au diagnostic. Ok, il y a peut-être du TSA, il y a peut-être ceci, cela. C'est mais ça. Voilà, parce qu'ils ont appris en faisant de la merde, ils ont appris que là, il y a un truc casse-gueule, il faut faire attention à cette étape-là, il ne faut pas la sauter. Et ils ont rajouté des étapes à tout le processus de diagnostic. Quoi. Mais c'est la différence, entre guillemets, qu'on a entre le médecin, qui est capable de dire, bon, on peut évoquer cette hypothèse, mais on va quand même éliminer les autres, et Maman Football 69 sur Doctissimo. C'est juste ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui vous donnent des avis médicaux sur Internet. Ne faites pas ça. Je le fais jamais. D'ailleurs, si vous m'envoyez des DM pour me soumettre votre problème de santé, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre à une question. C'est pour ça que je vous reçois. Hein. C'est que vous faites de l'information. Vous ne faites pas de diagnostic sur Internet. De toute façon, mais c'est casse-gueule. C'est casse-gueule. Si c'est tu ça. Te plantes, laisse tomber. Ça fait des prises en charge tardives pour des trucs graves potentiellement. Donc, c'est ça. Mais les gens ont tous envie. Il y a cette volonté, de manière générale, de votre mamie ou des mecs sur Facebook, de vous donner une solution parce qu'ils en ont entendu parler ou parce qu'ils ont un proche qui a eu ça et du coup, ils se disent que c'est bon. Mais ça ne marche pas comme ça, la médecine. Mais typiquement, ça vous est tous arrivé. Vous dites, ah, j'ai le nez qui coule et machin et tout, et machin. Et vous avez mamie qui arrive ou tata qui se pointe et qui dit, ah, mon médecin m'a dit que j'ai eu le même truc la dernière fois. Mon médecin m'a dit que c'était une sinusite. T'as qu'à prendre ça. Et toi, t'es là, tu dis, mais comment tu sais que c'est une sinusite? Pourquoi est-ce que tu mets ça? Pourquoi est-ce que tu dis aux gens de prendre des antibiotiques? C'est complètement débile. Ne fais pas ça. C'est comme si tu arrives et tu dis « Ah, ça sert dans ma poitrine » et qu'on te dit « Ah, mais mon père, il a eu ça, c'était un infarctus, puis il est mort. » Tu dis « Ouais, sinon, c'est peut-être le fait que tu te sois pété la gueule en ski il y a 48 heures, en fait, et que tu es de côte pété. Bah, » C'est un peu frustrant aussi pour les gens, parce qu'ils veulent, ils viennent avec un problème, ils veulent une solution. Face à quelqu'un qui voit sur Internet, il dit « Lui, il est stylé, il va le repartir avec un truc. » Et c'est un peu frustrant, mais moi, les DM que je reçois par rapport au handicap, à l'autisme, au sans-abri, etc., franchement, des fois, moi, je fais du copier-coller, parce que c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent, et moi, j'ai toujours la même réponse à donner, c'est « Je vais orienter les personnes, je ne vais pas leur dire « Fais ça, fais ça, fais ça. Mon gamin, je pense qu'il est hyperactif, qu'est-ce que tu me conseilles de mettre en place ?» Diagnostic, soit avec la CRAIF, soit avec ceci, avec cela, mais jamais diagnostiqué par les réseaux sociaux. Ben voilà, la réponse que je fournirai à tout le monde, c'est consulter votre médecin traitant. C'est toujours la même chose. J'ai mal dans la consulter votre médecin traitant. Je pense qu'il y a une urgence médicale. Appelez le SAMU. Voilà. Après, il peut y avoir des incompétents. Mais à ce moment-là, si on a un doute, on demande un deuxième avis. Mais bien sûr. Un autre médecin, on demande un deuxième avis. Si on a un doute, et puis voilà. On a la possibilité de consulter le médecin qu'on veut, mais il faut être relativement simple. C'est très difficile de faire du diag à distance. Ça demande des compétences, une consultation dédiée, prendre le temps d'ausculter le problème, d'éliminer les choses. Et ça, malheureusement, ça ne peut pas se faire sur Internet et tout ça. C'est pour ça que nous, on est en général, enfin moi à titre personnel, très impressionné par les gens qui arrivent à m'attester des trucs en regardant juste sur Internet. Mais lui, c'est sûr qu'il a ça. Mais lui, c'est sûr que ce médicament, il marche. Je dis, mais t'es super fort, mon gars, parce que moi, je suis incapable de le dire. Je suis incapable de le savoir. Je n'y arrive pas. C'est très compliqué. Et voilà. Et on a l'impression que les gens veulent se présenter comme des sachants. Être un sachant, c'est d'abord être capable de dire ça, je vais avoir du mal à te répondre. Ça, je ne sais pas. Ça, je suis en difficulté. Ça, j'ai besoin d'aide pour avoir la réponse. C'est vraiment ça qui est compliqué. C'est de pouvoir donner des réponses et d'être machin. Et des réponses très tranchées, données très rapidement, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe. Il y a des trucs qui sont relativement évidents, mais on ne peut pas trancher une situation machin. Même moi, j'ai des jeunes filles qui viennent à 25 ans avec des douleurs à la con. Ben, je ne suis pas sûr, des fois. Et je me dis, à 25 ans, quand même, rater un problème de cœur, ce serait dommage. Donc, on fait des investigations complémentaires. On se pose des questions. On essaie de s'entourer un maximum d'éléments pour pouvoir dire, j'ai monté ça. Là, vraiment, la probabilité que vous ayez un problème cardiaque, elle est toute petite. Je pense qu'elle est négligeable. On va peut-être se poser 5 minutes. On a éliminé le plus grave, ce qui pourrait vous buter rapidement. Maintenant, peut-être, on va se donner un petit peu de recul, un petit peu d'attention, et voilà. Mais c'est pour ça que moi, je suis très impressionné face à tous ces gens qui savent tout mieux que moi, tout le temps, en permanence, et qui nous agressent en permanence sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont entendu que tel professeur a dit que ou que machin a dit que et qui ne sont pas compétents. Ils ne le sont pas. Enfin, les gens qui sont compétents sur ces sujets-là, ils se comptent sur les doigts d'une main. Donc forcément, voilà. Donc les Jean-Michel, experts de la vaccination, ça me laisse pantois. À chaque fois, je suis là, je dis, mais on est à un niveau de stupidité qui est fort, qui est très très fort, et d'affirmation qui est fort. Donc, si vous savez pas, ou si vous n'êtes pas sûr, de manière générale, posez des questions. Questionnez-vous, discutez, parlez avec des gens qui sont professionnels du milieu ou du domaine, et essayez d'apprendre un petit peu là-dessus, et essayez de nuancer un peu le propos. Personne n'a la vérité absolue, personne n'est super intelligent. Voilà, on est tous bêtes. Moi, je suis très bête. Ah, moi, c'est ce que je dis à mes patients tous les jours. C'est-à-dire que je suis stupide, je suis les recommandations. Pour dire que je m'en remets à des gens plus compétents que moi, qui ont mieux réfléchi que moi sur la situation, pour appliquer des trucs. Je ne vais pas faire ma popote. C'est-à-dire que, ok, je suis suffisamment fort pour savoir à quel moment je dois savoir m'arrêter et m'en remettre à des gens qui ont réfléchi à la situation mieux que moi. C'est-à-dire que quand je prends une charge, je ne sais pas, une fracture de la mâchoire, par exemple, mais je me dis pas, ah tiens, je vais faire ça comme ça. Non. Qu'est-ce que racontent les sociétés savantes? C'est quoi la prise en charge qui a été faite? Dans cette fracture qui a été peu déplacée, est-ce que je peux me permettre de faire juste une immobilisation? Ou alors, ce qu'il faut que je fasse, de mettre des plaques et des vis parce que le risque de déplacement est trop important. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des arbres décisionnels, et ces arbres décisionnels, ils ont été sélectionnés avant. Alors, par rapport à ça, vous pouvez voir passer des arbres décisionnels parfois sur des gens qui font des arbres décisionnels avec des protocoles qui ont l'apparence de sérieux. Sauf que si ça émane pas d'une société savante, ça émane pas d'un organe un petit peu sérieux, c'est de la merde. Probablement. C'est ça. On parlera pas du protocole Vonnegut. Non, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. S'il y a un protocole qui vous est vanté par une députée, méfiez-vous. Hein, probablement, ce n'est pas très bien. Oui, voilà. C'est pas à l'Assemblée nationale qu'on décide des protocoles médicaux. Hein. Voilà. Donc voilà. Est-ce que Pyrimum est médecin? Non, surtout pas. Il est chirurgien. Non, je suis chirurgien. Il ne faut pas déconner. Oh, bah oui, ça n'a rien à voir. Je veux dire, hein, voilà. Si nous, on a fait des études comme. Dans Scrubs, c'est Turk. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis JD, ça tombe bien. Et c'est exactement ça. Habile. Au niveau cardiologue, il y avait un truc que j'avais vu passer. Alors, ouais. Je ne voudrais pas. te mettre dans la sauce. Est-ce que tu avais fait une vidéo, François, sur les valves du cœur, qu'on arrivait, il y a un truc qui se dépliait pour réparer les valves. Et après, quelques semaines après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient « Oui, c'est scandaleux, ces valves ne sont pas remplaçables, vous vous rendez compte, si elles sont défectueuses, et blablabli, blablabla. » Et je me suis dit « Mince, y a-t-il un souci avec ce... » Il faut vraiment que je rentre dans le pointu. Je peux le faire, hein, mais ça... Moi aussi, je peux vous aider un peu parce que j'en ai fait quelques-unes, mais... On va rentrer dans du pointu. Ça va être du vénère. Je peux y travailler. Donc, ce que parlait François, j'imagine, hein, je me souviens plus trop, c'est du TAVI. C'est-à-dire que, vous avez, entre guillemets, quand, chez les patients qui ont des valves rétrécies, sténosées, c'est-à-dire que la valve est calcifiée. Alors, attends, donc, dans le cœur, il y a des valves, parce que c'est quand même une pompe avec un système anti-retour. Reprenons la base. Dans le cœur, il y a des valves. Il y a des valves qui sont anti-retour. On va s'intéresser, sur les quatre valves, à une seule. Celle qui est entre le ventricule gauche et l'aorte. L'aorte, c'est l'espèce de gros tube qui va vasculariser. C'est-à-dire qui va envoyer les artères qui vont aller vers le bras, vers le cerveau, vers vos jambes, tout ça. Tout. Et qui va, entre guillemets, permettre d'oxygéner, d'envoyer du sang oxygéné à l'ensemble de vos organes, parce que si vous n'avez pas de sang oxygéné qui arrive à vos organes, ils vont devenir tout noirs et tout pourris et vous allez mourir probablement dans d'atroces souffrances. Je ne vous le souhaite pas, ne le faites pas. En tout état de cause, la valve entre guillemets anti-retour, parce que vous avez votre ventricule gauche qui va pomper, il va envoyer le sang dans l'aorte et ce sang va pouvoir revenir par un effet retour entre guillemets. Si vous pompez, ça peut revenir. Et non, parce qu'il y a une espèce de valve anti-retour qui s'appelle la valve aortique, qui fait l'interface, entre guillemets. Bon, elle a trois cusps, hein, mais ça s'ouvre comme ça, si vous voulez. Mais il faut le voir en trois. Mais j'ai pas trois mains. Ouais, c'est chou. En gros, ça fait... quand ça pousse, ça s'ouvre. Ensuite, ça se recollabe comme ça et ça évite que le sang revienne dans le cœur. C'est contre-productif. Voilà. Donc on y travaille à tout ça. Donc, cette valve, quand elle est calcifiée, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez faire de la chirurgie. C'est-à-dire, vous allez arriver, vous allez ouvrir, vous allez décoiner un petit peu à la valve aortique, entre guillemets, parce qu'il y a plein de calcifications tout autour, et vous allez mettre une nouvelle valve toute neuve. Soit ça peut être une valve mécanique, c'est-à-dire une valve en équivalent, c'est du titane, je ne vais pas dire du téflon, c'est du titane qui va basculer, un espèce de système à double ailette qui va s'ouvrir comme ça, clic-clac, qui fait du bruit d'ailleurs, on l'entend un petit peu. Soit vous allez mettre une valve biologique, qui peut être du péricarde, en général c'est du péricarde bovin de veau. Ça peut être du porc aussi, monsieur. Valve porcine. Ouais, on pique des valves dans un cœur de porc et on les met sur une structure synthétique. Plus compliqué que ça. On les refabrique à partir du péricarde, c'est-à-dire du tissu qui encadre le cœur. Aujourd'hui, on n'utilise pas les valves de base. Pointu, mais pas trop. On n'a pas besoin de rentrer dans les. C'est un détail, mais bon, on utilise du péricarde bovin ou du péricarde porcin. Bref, donc cette valve, vous pouvez la remplacer. En général, c'est par voie chirurgicale. On a développé une technique qui s'appelle du TAVI, c'est-à-dire que vous passez des petits cathéters à l'intérieur de l'artère, pop, pop, vous développez, entre guillemets, parapluie. Par la cuisse, hein, parce que c'est gros. Par la cuisse. J'ai mis une petite image d'illustration, j'ai ressenti une qui n'était pas trop hardcore. Voilà. Vous pouvez passer, je vous pouvez passer par la... Que t'as mis. Alors ça, c'est une valve calcifiée, ouais. Ça, c'est une valve calcifiée, ouais. Elle est où, je l'ai pas vu. C'est sur le live de sur Twitch. Live de Laurent. Je suis peut-être en retard alors. Je suis désolé, mais donc voilà. Donc la valve, elle est comme ça. On a inventé un système. Oui, là je la vois apparaître. Putain, je suis vraiment en retard. Hein. Donc ouais, tu vois, on a inventé un système qui permet d'ouvrir une valve, c'est-à-dire de déployer la valve comme un parapluie, d'aller écraser la valve qui est toute calcifiée sur les bords, comme ça, elle est toute écrasée, et on va insérer une valve nouvelle dans un grand ressort. Voilà, on va mettre un grand ressort pour la déployer. Enfin, c'est pas un ressort, c'est un ballonnet qui va déployer. Et il y a plusieurs systèmes entre guillemets pour l'implantation. Soit c'est une espèce de grillage qui va couvrir une partie de l'aorte, soit ça va être un système un peu plus placé. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est complexe. Mais voilà. Une illustration aussi. Voilà. Donc quand tu cathétérises, tu fous ton TAVI à ce niveau-là, voilà. typiquement. On va le mettre à ce niveau-là. Ça marche bien et on l'utilise chez les patients qui sont un peu trop âgés pour bénéficier de la chirurgie. Ils ne peuvent pas bénéficier d'une chirurgie parce que pour mettre en place une valve cardiaque, pour en avoir fait un petit peu, puisque j'en ai changé quelques-unes, enfin j'ai aidé, je ne l'ai pas fait moi-même, mais Monsieur est chirurgien. Monsieur est chirurgien, voilà, c'est ça. pour vous donner une petite ordre d'idée, il faut quand même arrêter le cœur pour pouvoir travailler dedans. Donc, ça ne se fait pas chez n'importe qui. C'est-à-dire qu'on endort le patient, on met en place toute une circulation extracorporelle pour chinter le cœur. C'est-à-dire qu'il faut prendre le sang avant qu'il rentre dans le cœur et après qu'il le remettre dans l'organisme après qu'il sorte du cœur pour laisser le cœur vide. On l'arrête, on lance en place la circulation extracorporelle. Comme ça, c'est une machine qui pompe le temps qu'on fasse l'intervention. On ouvre le cœur, enfin, on ouvre l'aorte, on ouvre le cœur, on enlève la valve, on la suture, on remet le système en charge et on relance le cœur. Enfin, on relance le cœur, on remet le système en charge. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est-à-dire que vous déjà vous le faites à 30 piges. Évidemment, tout ça en environnement stérile et tout le bazar. Oui, et puis ça dure 3 heures. Ça dure 3 heures, ça se fait rapidement, hein. Ça dure pas non plus des plombes, hein. C'est-à-dire que moi là, on me l'a fait demain. Je vais être moyen frais pendant 15 jours. Ouais, non, mais bien bon. Moyen frais pendant 15 jours. Je n'ai pas dit que je reprenais mon activité normale. J'ai dit que pendant 15 jours, je vais être un petit peu fatigué. Et pendant deux bons mois, je vais avoir du mal à faire une activité normale. Mais voilà. Faut imaginer que quand vous avez 85 ans, que vous avez une insuffisance cardiaque, que déjà vous avez le cœur le palpitant qui vous joue des tours et qu'il faut quand même vous changer votre valve parce que sinon vous allez mourir, il faut bien trouver une solution. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui ont un rétrécissement aortique calcifié, c'est-à-dire symptomatique, des gens qui sont gênés, c'est-à-dire qui sont essoufflés, qui font des malaises, etc., leur durée de vie, enfin leur espérance de vie, elle devient immédiatement pas ouf, genre pas ouf du tout, c'est-à-dire on est à moins d'un an de survie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça, on le sait. Voilà. Donc, avec de l'insuffisance cardiaque, c'est moins de 6 mois. Avec des syncopes, c'est moins de 3 mois. Avec un arrêt cardiaque dans l'intervalle, c'est moins de 1 mois. Donc, il faut arriver relativement vite. Et en fait, ces patients-là qui étaient récusés à la chirurgie, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas opérer parce qu'ils avaient les poumons trop malades, le rein trop cassé ou tout ça, eh bien, on les laissait dans un lit d'hôpital et on leur disait c'est dommage. Comme un cancer en phase terminale, on était sur du palliatif, en gros, et on laissait ces gens-là mourir sans pouvoir vraiment leur proposer des choses. Si on pouvait faire des coups de ballon pour essayer de rouvrir un peu la valve, mais ça se refaisait en quelques mois, c'était pas ouf. Ça, c'était le début de mon externat. C'était quand je commençais mes études, je voyais des patients malades du cœur avec un rétrécissement aortique serré sur lesquels on ne pouvait rien faire. On nous disait « Ouais, il y a un mec là qui est en train de développer le TAVI. Peut-être ça va marcher, mais bon, on va voir. » Mais vraiment, il y en a des caisses en fait. Donc, on n'y croyait pas. C'est les Rouennais, ouais. C'est Carpentier. Cribier-Carpentier, ouais. Tout à fait. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans leur service. Et dans le concept, ouais, on développe ça, c'est-à-dire que tu ouvres la valve et ça va se poser là. Et c'est vachement bien. Ce qui est vachement bien, c'est que tu peux faire du valve-in-valve, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est porteur d'une valve prothétique de base, tu peux déployer un TAVI à l'intérieur. Et même, tu peux faire du TAVI-in-TAVI, c'est-à-dire mettre un TAVI par-dessus un TAVI maintenant. c'était de la merde, en fait, quand ils disaient… Ah oui, c'était de la merde, oui. Ah, bien sûr. C'est un scandale que les gens sont condamnés avec leur truc. Mais les gens sont condamnés avec leur truc, c'est-à-dire que si tu leur mets pas la valve, ils meurent dans moins d'un an. C'est ça. Donc oui, enfin, se condamner. Il n'y a pas de plan B, c'est ça ou rien. Il n'y a pas énorme de choix. Hein. Sinon, tu peux regarder mamie, dépérir au fur et à mesure. Hein. Mais bon, après, ça, c'est une bonne idée si tu veux bénéficier de ton héritage plus vite. C'est une mauvaise idée si tu tiens à tes grands-parents. Voilà, après, on fait des choix, quoi. Mais concrètement, oui, il faut comprendre que déjà, ceux à qui tu vas le proposer, c'est des gens chez qui tu n'as pas trop le choix. C'est-à-dire que… Les condamnés vivent plus longtemps. C'est ça. C'est que tu vas leur mettre une valve, voilà. Et en général, c'est des patients âgés, hein. C'est plus de 80 ans. La valve, elle a une durée de vie estimée, on va dire… Moi, de ce que j'avais retenu, c'était 12 ans. Je crois que c'est un petit peu plus avec les nouvelles valves. Ça va être vers 15 ans. Normalement, son espérance de vie, s'il a été implanté, on va dire, à 80 ans, il va tenir jusqu'à 95 ans. En général, ils ne sont pas très, très nombreux, les gens à qui tu dis « ce serait bien d'en mettre une deuxième ». Donc, c'est vraiment des cas très choisis. C'est des situations un peu particulières. En général, on fait ça au CHU. Vu des résultats que j'en ai, ça se passe relativement bien. Donc, il ne faut pas être très stressé, mais il faut comprendre qu'il y a des solutions pour des gens très âgés et tout ça, et que vraiment, le pronostic, si tu ne fais rien, c'est la mort, en fait. En espagnol. Et la mort pas cool. Enfin, pas la mort, oh, c'est tranquille, j'ai fait un arrêt cardiaque. Non, la mort avec des hospitalisations répétées pour insuffisance cardiaque, avec la sensation d'asphyxie, c'est pas jojo, c'est pas sympa. Donc, non, c'est pas ouf. Mais voilà, enfin, ça fait partie des procédures. Je sais pas pourquoi on parlait du TAVI, mais... Parce qu'on nous posait la question sur c'était pas très sympa de faire des interventions comme ça à des gens. Ah, ça m'est venu parce qu'en fait j'avais vu la vidéo de François et sur à la base c'était ça parlait de oui c'était en fait hypnose. Ouais c'était les interventions la fameuse intervention chirurgicale sous hypnose et quelques semaines après j'avais vu ce truc là à la télé et souvent quand je vois les trucs à la télé quand tu creuses un peu c'est pas ouf et une fois de plus voilà en fait cette procédure là l'avantage c'est que tu passes juste par l'aine. Donc clairement, tu n'es pas obligé d'endormir complètement ton patient. Tu peux faire une belle anesthésie locale, une belle sédation, c'est-à-dire que ton patient, il est bien gaz perdu, bien KO. Il n'est pas dans un état d'anesthésie générale où il n'y a plus de réflexe respiratoire et tout ça, et donc tu es obligé de mettre un tube. Mais voilà. Donc oui, si tu fais une belle locale, une belle anesthésie, une belle sédation, entre guillemets, où le mec est bien cuit, et qu'en plus tu lui fais un peu d'hypnose, effectivement, il peut avoir un vécu de l'intervention peut-être plus sympathique. Enfin bon, oui, l'hypnose, c'est marrant. Mais voilà, ça peut changer un peu le truc. Ça peut changer le vécu du patient. Mais concrètement, on fera avec ou sans, quoi. Ouais, puis il y a plein de gens qui t'étaient tombés dessus, je crois. Enfin, vite fait, puis t'as l'habitude. Mais c'est ils disaient, oui, François, je crois que t'étais contre les trucs... etc., tout ce qui était médecine alternative, et maintenant tu parles d'hypnose, t'as changé. Ah non, personne ne m'est tombé dessus. Et comme tu disais, du moment que ça marche, oui, c'est ça. L'hypnose, c'est typiquement le genre de choses où j'étais persuadé que c'était complètement bullshit, et en fait, en lisant un petit peu, il y a du bullshit. Il y en a. Ah oui. Par exemple, l'hypnose pour arrêter de fumer ou l'hypnose pour maigrir, c'est des conneries. Ça marche pas. Par contre, la suspension d'attention dans le cadre de la prémédication pour les interventions chirurgicales, ça, par contre, ça fonctionne. Oui, c'est intéressant. Mais après, effectivement, vous n'allez pas faire une chirurgie à corps ouvert sous hypnose. Impossible. Ah oui, alors. Sauf si les Chinois le montrent, ça ne marche pas. D'accord ? Les Chinois qui montrent l'acupuncture Non. Je voyais les gars qui éclataient leur capsule de sang dans les mains puis qui faisaient genre, ouais, j'enlève tout le mal de ton corps. Ouais, non, là, ça, c'est la chirurgie psychique, mais c'est autre chose, ça. Mais... Voilà, mais non, c'est intéressant. Mais le problème de l'hypnose, moi, c'est ce que j'appelle c'est l'extension de garantie. C'est-à-dire qu'on te donne une technique, on te dit c'est bien ça, ça peut aider dans telle situation. Et puis il y a toute une bande d'escrocs qui vont dire mais moi, je vais l'utiliser dans d'autres trucs. Et tu dis mais non, c'est pas démontré. Ouais, mais je vais l'utiliser quand même. Et là, tu dis oui, enfin, mais c'est pas. Ah bon ? Et du coup, ça marche pas. Typiquement. Il y a des tas de trucs, par exemple, qui vont être utilisés chez les gamins autistes, par exemple. Tu vas utiliser tout un tas de trucs qui fonctionnent, mais qui ne fonctionnent pas chez eux. Et tu vas utiliser. Alors, l'eau de Javel, ça fonctionne chez personne. Hein. Oui, chez personne. Mais il y a des tas de trucs, par exemple, certaines techniques de psychothérapie, ça ne fonctionne pas dans certaines situations et on va insister pour les utiliser ici. Il y a certains médicaments, ça fonctionne bien. Par exemple, on parlait du protocole Venner, l'ivermectine, ça marche super bien sur la gale. Hyper bien. Ouais. Ah oui, non, c'est super. Par contre, sur le Covid, pas du tout. Mais voilà. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle de l'extension de garantie. C'est-à-dire, on vous dit, mais ça marche sur la gale, donc ça doit marcher sur... Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, si vous voulez que le truc marche sur, il faut le démontrer. Et c'est ça qui pose problème un petit peu dans l'hypnose. C'est que, en gros, c'est utilisé un petit peu dans le pack de pseudothérapie, parce que les mecs font beaucoup de pseudothérapie. J'utilise un peu l'hypnose parce que ça... un côté un peu sérieux, mais ça leur permet d'avancer là-dessus, quoi. C'est hyper répandu, la croyance de l'hypnose qui casse la gueule au tabagisme au surpoids. Ça l'est, effectivement, mais ça ne marche pas. C'est pour ça que moi, mes patients, quand ils viennent me voir pour arrêter de fumer, je leur dis ce qui marche, c'est substitut nicotinique en premier, c'est-à-dire tout ce qui est gomme à mâcher, patch, éventuellement un cigarette électronique. Il y a certaines études qui ont dit que c'était pas mal. C'est, qu'est-ce que j'ai ? La psychothérapie, les thérapies cognitives ou comportementales, ça marche hyper bien là-dessus. Mais les gens, ils n'aiment pas voir le psychologue parce que ça fait malade, psychiatrique. Et les gens, ils n'aiment pas ça. Et puis, ça prend du temps. Puis, c'est chiant. Et puis, c'est pas remboursé. Donc, voilà. Ce qu'ils aimeraient, les gens, c'est la technique. Tac, j'ai fait claque avec mes doigts et c'est terminé, tu n'as plus envie de fumer. Ça ne marche pas. Bah, c'est ça, on a tous envie d'acheter l'appareil qui te fait les plaquettes de chocolat sur le ventre sans faire un seul abdo. Quoi. C'est ça. Tu branches la ceinture sur le secteur et puis tu bouffes des cahuètes devant la télé et tu es prêt pour la plage. Quoi. C'est ça. Et la troisième technique qui marche, c'est les médicaments, c'est-à-dire le Zibo. Ça a frisé chez JD. Oui, bien sélectionné. Voilà. On parlait du tabac. Et j'ai expliqué ce qui fonctionnait. Et je leur dis, en dehors de ces trois trucs. Lesquels ? Tout. Moi, j'ai parlé substitut nicotinique, TCC et Ziban Champix. Oui, et dans les substituts nicotiniques, plus tu les associes entre eux, plus ça marche. Ouais. C'est ça qui est bon. Donc, sur cette base-là, entre guillemets, tout ce qu'il y a et qui ne rentre pas dans cette définition-là, c'est de la merde. L'acupuncture, l'acupressure, les aiguilles dans les oreilles, l'hypnose, le chamanisme vaudou, etc. Tout ça, vous pouvez le jeter, le mettre à la poubelle. D'accord ? Et on sait que le sevrage tabagique, ça se passe d'autant mieux si vous êtes détendu et dans de bonnes dispositions. Donc, si vous voulez faire des séances d'acupuncture à 350 balles la séance, partez plutôt en vacances avec cette thune-là que vous avez économisée pour faire les séances d'acupuncture. Vous serez beaucoup plus détendu pour aborder votre sevrage. Beaucoup plus. Après, dans le milieu hospitalier, là où j'étais hospitalisé pour le Covid, il y a une infirmière qui m'a dit le Covid, pour s'en protéger, c'est très simple, il faut mettre des gouttes d'huile essentielle sur son masque chirurgical. Je vous file ça, s'il y a des chercheurs qui nous regardent, je vous file l'info, vous faites ce que vous voulez avec. Ben oui, nous on est cons, si ça marche, c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas, c'est juste pour faire chier. Alors, je vois Mamzelle Torgar là dans le truc qui dit qu'après 20 ans de cigarettes et de cannabis, mon compagnon a réussi à tout arrêter sans rien faire, juste beaucoup de avec beaucoup de volonté. Non. C'est cool. Non, mais c'est cool. Mais il faut le fonctionner, entre guillemets. Il faut vous dire, chaque tentative de sevrage, c'est un jet de dés. Vous jouez à D&D, des trucs comme ça, tu vois. Tu lances un dé 100. Pour quelqu'un qui est relativement dépendant, vous avez, entre guillemets, 5% de chance que ça fonctionne avec juste la volonté et la puissance du feu. C'est ça. C'est bien, c'est pas mal. C'est entre 5 et 7%. Par contre, nous, tout ce qu'on propose, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle un buff. C'est-à-dire, ça va vous buffer votre tentative, votre G. 15-20%. Ça va vous donner 15-20-25%. En gros, à chaque truc que vous rajoutez, c'est 7% de chance par an de réussite de maintien du sevrage. Donc, nous, on vous donne juste des buffs pour que ça fonctionne. Donc après, effectivement, de chance, je vous garantis pas que votre jet il marche à tous les coups. C'est pas un garanti, c'est pas signé, c'est t'inquiète, ça marche. Non, c'est je vous donne 40% et je vous dis tentez, jetez les dés le plus possible, essayez et donnez-vous le maximum de chances pour faire. Après, effectivement, avec un décent, faire un jet à 1 ou à 2 et réussir, faire une réussite critique, c'est possible. Vous êtes dans de bonnes dispositions, ça se passe bien, votre vie, elle roule bien, c'est cool. Et vous faites une tentative de sevrage qui se déroule bien, vous avez une volonté incommensurable et ça passe. Mais on ne parle pas d'un truc qui est basé juste sur la volonté. On parle d'un outil de dépendance massive. C'est ultra addictogène. Le tabac est l'une des substances les plus addictives qui existent. C'est-à-dire que, ouais, enfin, on va pas rentrer dans les mécanismes, mais en fait, le truc, c'est que le mécanisme de dépendance lié au tabac et l'efficacité de la nicotine inhalée est tellement efficace que les flashs de dépendance vont plus vite que l'héroïne, la coke ou des choses comme ça. Enfin, c'est d'une c'est puissance. Moins destroy. C'est moins destroy. Ça vous détruira moins vite que l'héro, hein, c'est sûr et certain. Par contre, ça rend ultra dépendant. C'est dur d'arrêter de fumer, c'est très dur. Le truc qui le challenge bien, c'est l'alcool. Je pense. Mais sinon, voilà, ça rend ultra dépendant. Enfin, moi, j'ai des gens qui ont fait 3 infarctus, ils continuent de cloper. Ils sont pas cons. Moi, hein, j'ai des gens, ils ont fait 5 cancers, ils continuent de fumer. Ouais, mais bon, les mecs sont pas débiles, hein, si tu veux. Même si tu as 32 QI, tu as bien compris qu'au bout de la 30e fois où le médecin, ils n'y arrivent pas. C'est pas qu'ils sont cons, c'est pas qu'ils manquent de volonté, c'est juste que ça rend super dépendant. Donc, il faut leur donner le problème, c'est que quand tu les fais partir dans des directions à la con, avec l'hypnose, avec l'acupuncture, tout ça, ben, y a, tu lui fais probablement perdre plus de chance qu'autre chose. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai schématisé, entre guillemets, peut-être que ça existe en psychologie, tout ça, mais des schémas de disponibilité mentale. C'est-à-dire que quand vous allez vous lancer sur une démarche, c'est-à-dire une démarche, par exemple, tu veux arrêter de fumer. Bon, ton cerveau est disponible, ton corps est disponible pour faire des trucs pour arrêter de fumer. Et tu vas les hiérarchiser. C'est-à-dire que ton médecin va te dire, vous pouvez A, B, C. Et puis, tata Janine va te dire, ouais, mais tu devrais essayer mon hypnothérapeute, ça coûte rien. Moi, ça m'a fait arrêter d'un coup d'un seul, c'était hyper bien. Et je connais la tante de Michel, il l'a fait, c'était super. Vous allez prendre la technique D de tata Germaine, parce que pourquoi pas, c'est sympa. Puis tata Germaine, elle est sympa, vous l'aimez bien. Puis vous allez avoir des publicités pour arrêter d'un coup en prenant des compléments alimentaires. Donc, c'est le E. Et dans votre cerveau, vous allez hiérarchiser de votre côté. C'est-à-dire, vous allez dire, ben, qu'est-ce qui est le plus prioritaire, qu'est-ce qui va être le plus important pour ma démarche de sevrage. Et vous n'allez peut-être pas faire les choix les plus pertinents, les plus efficaces dans cette démarche. C'est-à-dire que si tu mets la technique de tata Germaine en first et la technique que tu as vue dans le journal avec le chaman à la con en deux, ben, en gros, les substituts nicotiniques, la psychothérapie et tout ça, ça arrive tout en dessous. C'est vraiment tout pourri. Donc, tu vas tester à pleine balle l'acupuncture, l'hypnose ou les machins que tu as conseillé tata Germaine, puis ça prend du temps, c'est quand même chiant, ça t'a bouffé un week-end, ça t'a bouffé une journée de travail, puis tu vas faire la technique du chaman vaudou et voilà, mais tu n'es plus disponible après pour le reste. Puis après on te dit, ah, faire de la psychothérapie pendant un mois, tu dis... Chaque échec que tu encaisses, ça te fait perdre un peu l'envie de quand tu te dis, oh, c'est mort, ça fait trois fois que j'essaye, trois fois que ça rate. Mais c'est même pas ça, c'est que si tu as 9 propositions thérapeutiques qui te sont offertes, tu vas pas pouvoir les saisir, les 9. Tu vas choisir 1, 2, 3 qui vont être prioritaires et qui vont prendre l'ascendant si vraiment c'est quelque chose d'important pour toi. Et encore, il faut que ça le soit, c'est-à-dire il faut que ce soit une grande priorité dans ta tête pour t'y investir. Mais si on te force, enfin, si on t'incite à t'investir dans des trucs inefficaces, c'est une perte de chance, en fait. C'est complètement con. Donc, c'est pour ça qu'il faut lutter. Enfin, nous, on s'est beaucoup investi avec François là-dessus pour lutter contre les pseudomédecines. Pourquoi ? Parce que ben, plus tu vas donner d'opportunités, les gens, ils se disent « Oh, ben, si je fais ça, machin, ça va être hyper bien. Même si c'est des toutes petites charges du 0,1%, je vais les démultiplier. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sur des trucs comme les substituts nicotiniques ou la psychothérapie, c'est un investissement qui est beaucoup trop lourd pour être associé à des suivis ultra longs. Et de la même manière, pour le Covid, vous allez faire la même démarche. C'est-à-dire que vous allez vous dire, pour éviter de transmettre le Covid, je vais faire quoi ? Je vais me laver les paluches, je vais porter mon masque, je vais aérer souvent ma baraque. Et puis voilà, il n'y a pas d'autres, y a pas 20 solutions vis-à-vis du Covid. Mais si vous dites aux gens, il faut mettre des huiles essentielles et de l'aromathérapie et de l'homéopathie et prendre de l'hydroxychloroquine et du machin, si les gens hiérarchisent différemment, c'est-à-dire ils disent bon, l'hydroxychloroquine 1, l'ivermectine 2, le machin là, l'aromathérapie, l'homéopathie, à la fin ils disent balai avec le masque. Hein. Dommage. C'est vraiment dommage parce que le masque, ça marche. Et c'est là surtout qu'il y a un truc que j'ai remarqué, enfin qu'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué, et vous aussi, c'est que en ce moment, depuis quelques mois, on se lave tellement les mains et avec les masques, dans mon service, il y a personne qui tombe malade en fait. Tout ce qui est gastro, etc. On a vu partager ça sur Twitter, un pharmacien qui partageait la consommation d'Adiaryl. Donc la Adiaryl, c'est pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est ce qui permet de gérer les diarrhées chez les enfants. C'est des trucs à reconstituer pour donner donner dans les biberons pour les gamins qui ont la diarrhée, pour les recharger en minéraux et en flotte. Et il compare les consommations d'Adiaryl de 2017, 2018, 2019 et 2020, et les chutes 2020, il a vendu 30% de ce qu'il vend d'habitude, quoi. Et là, dans les prochaines années, il va y avoir des études. Si j'étais directeur de thèse de trucs, là, j'enverrais mes internes sur aller chercher l'épidémie d'otite, l'épidémie de bronchiolite, aux urgences pédiatriques. Je serais un urgentiste, tu te mets sur les chiffres de avant, pendant, après Covid de la bronchiolite, mais je pense que c'est complètement ouf. Je pense que c'est dingo, hein. Vraiment. Hein. Ça doit y avoir une chute drastique du nombre de bronchiolites. C'est de gastro pareil, l'absentéisme, les choses comme ça doit être assez incroyable. assez incroyable. Il y a, il y a des habitudes qu'on va garder, je pense aussi, à se laver plus souvent les mains. C'est possible aussi, oui. Et je pense qu'il va y avoir, je pense qu'il y aura eu, il y a ça, puis ensuite il va y avoir une grosse chute avec la Covid, puis ensuite on va remonter, mais on va rester sur un plateau plus bas. Et je pense qu'il y a vraiment des études épidémiologiques hyper intéressantes sur des modifications qui vont être faites là dans les 5-6 prochaines années. Je pense qu'il y a des trucs qui vont être vraiment, vraiment hyper pertinents. Bronchiolite, gastro, otite, des choses comme ça, grippe, il y a des choses qui vont vraiment changer. Ça risque d'être, ça peut être vraiment hyper intéressant. Oui. Puis ça change notre perception de ces trucs-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de gastro, beaucoup moins de machin. Par contre, l'activité en médecine générale, les gens se disent, le médecin généraliste, là, il se touche les doigts de pied. Clairement pas tellement. Clairement, moi, mon épouse qui est médecin généraliste, en fait, toute la journée, et c'est beaucoup plus difficile, elle doit gérer anxiété, dépression, tout le temps. Les troubles psy ont pris largement la main parce que le climat est un peu anxiogène, parce que la situation est difficile, on a beaucoup moins le soutien des proches et tout ça. Donc, c'est les troubles psychiatriques qui ont pris la main. Et autant gérer une diarrhée chez l'enfant, voilà, une gastro ou une otite, ça prend quelques secondes et c'est relativement satisfaisant. On donne les médicaments et merci, bonsoir, on se revoit dans une semaine si ça ne va pas mieux. Autant gérer quelqu'un qui vous dit « j'ai des intentions suicidaires et ça ne va pas du tout », c'est pas du tout la même durée et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, où est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a moins d'épidémies virales bactériennes, encore que ça peut revenir dans certains points, mais c'est vraiment une épidémie de troubles psychiatriques. Clairement, qui est en train de se développer. Et nous, même en cardiologie, on a beaucoup de manifestations anxieuses, somatiques, hein, c'est-à-dire de gens qui ont des piquets thoraciques, des palpitations, tout ça, mais qui sont liés à l'anxiété, au stress, à la dépression. Et qui peuvent probablement en dire beaucoup sur notre société à l'heure actuelle. Qui en dit aujourd'hui. Beaucoup sur notre société, en fait. C'est-à-dire qu'en période de crise, la population est énormément en souffrance. Elle n'a pas les ressources pour pouvoir gérer ce genre de choses. Ah si, elle a les ressources, hein, c'est-à-dire, mais elle le retrouve, on est des animaux sociaux. On a besoin d'avoir du contact social, bien sûr. Et c'est, on ne peut pas l'avoir, et c'est compliqué. C'est compliqué pour beaucoup. Hein. Donc nous, ça ne nous régale pas. Si vous voulez que les gens soient confinés, tout ça, on ne passe pas un excellent moment. Mais enfin, voilà. Psychologiquement, il y a un truc qui est un peu space. Je suis sûr qu'il y a des tas de personnes qui ont fait des vidéos qui parlaient de ça, mais... moi, je suis plutôt casanier. Moi, j'ai ma télé, mes consoles, je suis bien, quoi. J'ai jamais eu autant envie de sortir que depuis que j'ai plus le droit de le faire. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de réactance. Si on t'interdit un truc, tu veux le faire. Hein. Tu veux voir le film que tu as prêté en Blu-ray, je l'aurais bien regardé. C'est ça. C'est comme les gosses. Hein. Ils ont 10 jouets en phase 2. Ils ne jouent pas au jouet numéro 4. Il suffit que tu le retires de la pièce. Et l'enfant, il dit « Attends, mais ce jouet… » C'est le meilleur jouet du monde. C'est le meilleur jouet. Il me le faut absolument. Mais on est pareil, effectivement. Si on me dit que je n'ai pas le droit de sortir, j'ai envie de sortir. Si on me dit que je n'ai pas le droit de faire la fête avec les copains, j'ai envie de faire la fête avec les copains. C'est peut-être pour ça qu'Olivier Véran s'est fait vacciner. Quoi. C'est pour foutre un peu les glandes à tout le monde. Et puis dire, non, mais je veux le vaccin, moi. Pourquoi lui s'est fait vacciner avant moi ? Je comprends pas. Mais Véran, c'est ça. On l'a beaucoup critiqué en disant, mais s'il est si bien le vaccin, il faut le faire. Et puis il a dit, non, je ne suis pas dans des recommandations, tout ça. Puis à l'AstraZeneca qui est déconseillé pour les plus de 65 ans et qui du coup est réservé aux professionnels de santé, dès qu'il sort, le mec dit logiquement je vais me faire vacciner avec le vaccin qui est réservé aux professionnels de santé. Et dès qu'il se fait vacciner, les gens disent regardez, il se fait vacciner, moi j'ai pas encore droit. C'est fatigant. C'est la pénibilité. Tu perds à la chaque pénibilité. Fois. Il a perdu, mais en même temps, si vous voulez critiquer quelqu'un, vous avez toutes les raisons de le critiquer. Hein. Je passe sur les gens qui arrivaient avec des trucs où tu peux rien dire, quoi. Genre, il y avait quoi dans sa seringue, on peut savoir. Moi, je pense que c'est de l'eau, hein, parce que va prouver que c'était pas de l'eau. Pour trouver la poubelle où il y a la seringue vide. J'ai fait mon rappel vaccinal, je te garantis que c'était pas de l'eau dedans, hein, vu la gueule que j'ai fait, mais. Moi, j'étais mal 24 heures. Mal 24 heures. Hein. Je me suis vacciné vendredi à 15 heures. J'avais mal dans la soirée à l'épaule. Le samedi matin, ça allait. Samedi midi, je commençais à être patraque. Ça a duré 7-8 heures. J'étais vraiment pas bien. J'ai ronqué toute l'après-midi. J'étais pas terrible. Et le dimanche, ça allait bien. J'avais plus mal à l'épaule. Mais le rappel est... Pour avoir fait le vaccin contre la grippe H1N1 quand il était là, j'avais juste eu un peu mal à la cuisse. J'étais de garde en plus ce week-end-là quand je me le suis fait faire. J'avais pas eu de gros soucis. Là, le vaccin Covid, le rappel est un peu plus costaud. Ouais. Mais bon. Moi, j'avais été courbaturé sur H1N1 à l'époque, mais pas plus. Là, j'ai fait Plumard quand même tout l'après-midi. J'ai été vacciné le vendredi. Ouais, je sais que c'était pas bien. Tout le samedi après-midi, super. Hein. Le 16h, 22h30, puis réveil, et puis la nuit derrière. Non, j'étais pas bien. Mais moi, j'étais surtout fébrile. J'avais pas tant mal que ça. Mal, non, mais j'étais fatigué. Ouais. J'ai eu un peu de mais ouais. Bon, bah, bon, de toute façon, il vaut mieux être vacciné que choper le Covid, hein, clairement, pour avoir vu les gars. Non. Voilà. Moi, j'ai juste fait la grippe. Oui, je l'ai fait une fois la grippe, je la souhaite à personne. Ouais. Bah, c'est la première fois que je me faisais vacciner contre la grippe. Mais là, on nous a demandé, là où je travaille, est-ce que les gens voulaient se faire vacciner, on pouvait. Donc, moi, j'y suis allé. Et puis voilà. Mais du coup, j'ai dû décaler mon don de plaquettes parce que le vaccin. Donc, bref, c'est chiant. Après, faut gérer pas mal de choses derrière. Mais oui, voilà. Après, j'avais vu des questions sur est-ce qu'on peut se faire la première dose. La deuxième dose de l'autre, non, parce que ça n'a pas été étudié. Donc, on évite en général. En Angleterre, ils l'ont fait, mais c'est n'importe quoi. Enfin, il n'y a pas de recul vis-à-vis de cette attitude. Parce que là, il y a une galère au niveau des stocks, c'est ça ? Au niveau des stocks, c'est... On ne sait pas trop ce qui se passe, parce que c'est assez opaque. Mais grosso modo, en gros, on sanctuarise la deuxième dose, c'est-à-dire qu'on assure aux gens que la deuxième dose puisse être donnée. Donc, elles sont réservées, elles sont quelque part, ces deuxièmes doses. Donc, ça, c'est bien parce qu'il faut s'assurer que le protocole vaccinal soit mené à terme. Mais clairement, on est un peu en retard par rapport aux autres, probablement parce qu'on a une attitude un peu plus restrictive vis-à-vis du vaccin, c'est-à-dire que c'est donné vraiment pour une certaine gamme de population. Il y a d'autres pays qui ont été beaucoup plus larges dans leurs indications, ce qui fait que quand il y a plus de personnes disponible, tu peux vacciner plus. Mais après, est-ce que tu as une protection plus ciblée ? Je ne sais pas. Avant qu'on ait vacciné toute la France, putain, c'est pas gagné. Il va se passer du temps. Mais bon, plus on aura de vaccins de disponibles et plus l'objectif sera rapidement atteignable et plus les capacités de production vont augmenter, plus l'objectif sera rapidement atteignable. Je veux dire, il n'y a aucune, mais vraiment aucune raison de retarder sciemment la distribution vaccinale. Aucune. Sur le plan économique, social, tout. Non, on a tout intérêt à être très rapidement doté en vaccin et tout ça. C'est vraiment que ça galère. Et il y a peut-être quelques soucis sur le plan logistique, c'est-à-dire pour amener les doses, pour les rendre disponibles, tout ça. Mais ça, c'est de l'organisationnel. On n'a pas tellement la main dessus. Nous, on sait que... Enfin, on a des centres de vaccination qui sont montés en, des fois, moins d'une semaine et qui, là, attendent les doses, quoi. Même si les sociétés pharmaceutiques et tout ça, elles n'ont rien à faire des gens, même si on part de ce principe-là, okay, on va partir du principe que c'est vrai, si les gens ne se vaccinent pas, ils meurent et ça leur fait des clients en moins. Donc même là, ça ne marche pas en fait. C'est obligé qu'ils mettent les bouchées doubles pour approvisionner tout le monde. Oui, après, il y a une croyance, entre guillemets, que les médicaments sont tous en concurrence entre eux, tout ça, c'est pas vrai. Le vaccin, c'est vachement intéressant et on est content et on n'est pas... Enfin, moi, sur mes mentions Twitter, c'est infernal parce qu'on essaie de faire des battles de médicaments, ce que je trouve absolument crétin à chaque fois. De faire ça, enfin de faire des battles à dire oui, mais moi l'ivermectine c'est plus fort que machin. Enfin, ça me rappelle la cité de la peur quand le mec il dit qu'est-ce qui est le plus fort entre le rhinocéros et l'éléphant. Et t'es là, tu dis mais on s'en bat les couilles quoi. Enfin, c'est deux trucs différents donc ils fonctionnent sur des phases différentes, ils sont pas du tout en concurrence. Si t'as deux médicaments efficaces, tu utilises les deux. Si t'en as trois, tu utilises les trois. On s'en fout en fait. Avec des indications un peu différentes, il y a les premières lignes, les secondes lignes et tout, mais enfin. Oui, ou à des stades de la maladie différents, mais enfin voilà. Non, mais cet argument est complètement mais pété. Mais c'est insupportable, c'est toute la journée. Toute la journée. Mais ça, voilà, c'est pas très intéressant. Donc, après, tu vas muter des mots. Je bloque à vue, hein, j'en ai marre. J'ai pas bloqué. Mes mentions Twitter, finalement, j'ai dû utiliser ça. C'est-à-dire que maintenant, je ne reçois, entre guillemets, les messages et les remarques et les commentaires que de gens que je suis. Donc, je suis désolé si je ne vous réponds pas sur Twitter, c'est que je ne les vois pas parce que je suis pollué de messages insultants ou casse-couilles. Et en fait, ça me pourrit ma journée. J'ai un mec qui me traite de vieille pute de Big Pharma sur Twitter. Ça peut me gâcher ma journée. Voilà. Comme quand je reçois un commentaire YouTube désagréable, des fois, je suis à cheval quand même. Pourquoi ils disent que je suis gros ? Pourquoi ils disent que je suis con ? Qu'est-ce que c'est que cette bande de débiles, tout ça ? Et ça ne devrait pas m'affecter. Ça m'affecte. Ça m'énerve d'être comme ça. Mais bon. Il y a Chabrière qui m'a traité de rachitique. De D'accord. rachitique. Il y a Raph Chabrière qui m'a dit que j'étais qui met que je suis rachitique. Alors si vous m'entendez, Eric Chabrière. T'as pas vu en t-shirt. Chabrière, je vous propose un octogone quand vous voulez. Quand vous voulez. Ouais. Moi, je fais pas. Je fais pas d'octogone parce que d'une part je suis non violent et j'ai pas les ressources sur le plan physique, mais voilà. Non, t'as pas envie de te battre avec un maxillo. Non. Même le moins physique, t'as pas envie de te battre avec lui. Il est capable François, je l'avais vu en short et t-shirt à Montbazon au festival de Nota Bene. Ouais, il fait un peu de sport. Un peu moins en ce moment. Il est un peu plus physique. Moi, j'ai tout misé sur l'endurance. Ça me permet de courir vite au cas où ça devient dangereux. Mais non, concrètement, voilà. Mais ouais, c'est un vrai problème, ça, sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand non, moi, je mute toute la journée. Quoi. Parce que t'en as qui te provoquent pour être bloqué. Et après, ils font des screens en disant « Ah, regardez, il m'a bloqué. » Donc, moi, je les mute et ils s'épuisent tout seuls, en fait. Moi, je les mute aussi. Je les mute parce que les bloqués, des fois, il y en a qui font chercher le blocage. Le problème, c'est que je les masque, mais j'ai des gens comme François qui leur répondent. Et en fait, je vois des dizaines de réponses de François, d'un débilou profond avec qui j'ai pas du tout envie d'interagir. Et je le vois en train de taunter, en train de le machin. Et je fais. Je mute la discussion, machin. Je suis obligé d'aller rechecker ce que François lui dit. Et tu fais, oh là là. En plus, il se régale parce que lui, c'est un enfoiré. Il va chercher les pires, c'est-à-dire les gens manifestement qui ont un QI à 30 et qui seront inconvertibles. Et lui, il va venir les gratter, les énerver. Et moi, je suis là, je fais, oh là là, mais c'est tellement fatigant. C'est pas forcément pour les convaincre. Il va jouer avec comme un chat avec une petite souris, mais c'est... Et on me dit qu'il faut bloquer François. François est mute. François est mute parce qu'il fait tout le temps ça. Et du coup, quand je regarde ce que poste François, je le fais très volontairement, mais il est mute sur mon machin. Je suis désolé, mec. C'est insupportable. Ah, j'ai arrêté parce qu'il commence à... J'ai un souci, c'est que ça me rappelle la même Internet où il y a un gars qui est sur un ordinateur et on a une bulle, on imagine que c'est son conjoint ou sa compagne. Il dit « Ouais, chérie, tu viens de coucher. Je peux pas, il y a un truc important là. » C'est quoi ?» Il y a quelqu'un qui a tort sur Internet. Ah oui. C'est le mec qui ne peut pas lâcher son ordi. Et moi, je suis trop comme ça. Donc, c'est pour ça que des fois, je mute. Mais juste pour moi, en fait. Parce que sinon, je ne vais rien lâcher. Non, mais... D'accord. Mais c'est super fatigant. Et des fois, j'utilise des comptes secondaires. Là, par exemple, j'ai utilisé le compte de FakeMed il n'y a pas très longtemps, qui a toutes les notifs et tous les machins avec tous les mecs qui t'insultent. Ouh là là, une heure de ça, c'était dur. Hein. Enfin, vraiment, c'est difficile. Hein. Parce que tout le monde t'insulte, tout le monde te traite de tout. Quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, j'ai des insultes antisémites, alors que bon, ben, je suis pas très juif, mais quand même... On traite de sale juif, de sale connard. Un peu quand même, comme t'es médecin, c'est un peu quand même. Ouais, je ne sais pas dans leur tête comment ça fonctionne. Mais je suis dans le complot judéo-maçonnique, très probablement. Ouais. Oui, mais, bah, c'est bien. Mais il faut comprendre que vraiment, en termes de charge mentale, c'est dur. C'est vraiment dur parce qu'on est vraiment seul. Et parce que, évidemment, je le comprends que vous ne tartiez pas tous les débiles de la Terre. Mais c'est chiant, quoi. On a envie de crever, quoi. Non, c'est pas... Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'on nous accuse d'être à la solde du gouvernement, d'être manipulé et tout, alors que, les autres sont les autres sont les gentils qui sont, et que personne ne les écoute, alors qu'à l'heure actuelle, putain, mais on est seul. On est dans un état de solitude. On se démerde tout seul. On brasse la merde avec nos petits... Mais en plus, tu es dans le groupe. Aucun moyen. Tu es dans le groupe des... Comment t'expliquer ça? Tu es dans le groupe... Hein. Opposé à la personne. Donc, régulièrement, tu es facho, communiste, contre le gouvernement et donc un débile. Et tous vos followers qui vous soutiennent, on est là, nous, ils disent. Et toi, tu es là, tu dis, mais je peux pas être à 2 minutes d'intervalle sur la même phrase, à la fois communiste et facho. C'est compliqué, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être l'autorité et en même temps un gros laxiste parce que je donne que du paracétamol et des vaccins. Là, c'est en train d'arriver. En ce moment, là, on se fait traiter de paracétamol vaccin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut faire des battles entre le protocole machin et ma... C'est faut super. Il faut que je précise pour ceux qui me suivent, moi, parce que là, il y a mes... Oh la vache, on est 240. Ouais, bon, en fait, tout le monde vous connaît. Bon, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous faites partie... vous faites toujours partie du collectif ou pas? Oui. Il y a toujours un collectif. T'inquiète pas, gros. Sur votre Twitter, voilà. Et donc, No Fake Med, donc c'était un petit peu... Bah, vous allez expliquer un peu... je pense beaucoup mieux que moi les actions du collectif, parce que toi, en plus, François, il y a eu beaucoup de soucis à des gens qui sont allés t'attaquer, même au niveau juridique, avec l'ordre des médecins, et récemment, c'était très satisfaisant, tu as gagné un procès, ou plutôt c'est l'autre qui a perdu son procès. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais Jérémy a les mêmes, hein. On a reçu les mêmes plaintes, Jérémy et moi, donc ouais. On a reçu exactement les deux, mêmes. Toi, oui, tu as eu les deux. Ouais, j'ai eu les deux. Pour non-confraternité, ouais, ou je sais pas quoi. C'est ça, parce que quand tu dis qu'un truc sert à rien, tu offenses. Enfin voilà, c'est comme Twitter, si tu offenses. Quand tu rappelles le code de santé publique, et le code de déontologie et le serment d'Hippocrate, tu es un affreux désinformateur. Oui, ouais, non, on avait fait une tribune pour dénoncer les dérives de la médecine actuelle en disant qu'on a besoin de se libérer du temps pour s'occuper des patients, on a besoin de se baser sur les méthodes de la science parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer les trucs et qu'on n'a pas besoin de faire appel à des pseudo-médecines et à les mettre sur le devant de la scène, c'est-à-dire que on a déjà suffisamment à faire en réussissant à se libérer du temps pour s'occuper de nos malades et déjà être bien au fait de qu'est-ce que raconte la science pour pas être obligé de s'emmerder à promouvoir des médicaments qui n'ont jamais fait preuve de leur efficacité. Et ça, Jérémy et moi, c'est la médecine qu'on défend. Je pense pas me tromper, hein, mais c'est la médecine qu'on défend, c'est s'occuper des patients, prendre du temps pour s'occuper des patients et défendre une médecine basée sur les preuves. Alors, la médecine basée sur les preuves, plein de gens pensent que c'est juste, on s'occupe des données, on suit que des algorithmes et on est machin. Non, la médecine basée sur les preuves, c'est un triptyque, elle est basée sur trois axes principaux. C'est un, les données de la science. Deux, les expériences personnelles, l'expérience du praticien, c'est-à-dire que même si il y a de la science, on a quand même une expérience, on a quand même dit, bon, bah, dans ce cas-là, je vais plutôt faire comme ça, parce que ça a tendance à plutôt marcher un peu mieux, enfin, bref, des choses qui restent de la pratique de l'art médical, donc des choses qui nécessitent un peu d'expérience, un peu de toucher, un peu de voilà. Et puis, il y a aussi ce que veut le patient, tout simplement. Oui. C'est la troisième part, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à faire un truc que le patient ne veut pas faire. Il ne veut pas faire, d'accord, je vous explique, mais on va s'adapter. Et pour ça, il faut du temps. Il faut du temps pour lire, du temps pour pratiquer et du temps pour écouter les patients. Il faut du temps pour plein de trucs, quoi. Et c'est ça qu'on a défendu. On a un peu taclé l'homéopathie, on ne va pas se mentir, hein, un peu fort même. Et donc les homéopathes, ils sont montés au créneau, ils nous ont attaqué, quoi. Ils nous ont attaqué au Conseil de l'Ordre en disant que on n'était pas confraternel, qu'on allait créer de la panique, que machin. Donc ils ont attaqué. Donc Jérémy et moi, on a pris des plaintes. Donc on est allé en conciliation. Ils ont fait la politique de la chaise vide en conciliation. Donc on est allé aux chambres disciplinaires de première instance. Et ils ont perdu. À l'heure actuelle, ils ont perdu dans quasiment toutes les chambres disciplinaires de première instance. Ouais, sauf celle tenue par les homéopathes. Ils ont même dû payer une amende. Enfin, ouais, en alors, ils ont été condamnés. Moi, ils ont eu des dommages d'intérêt à payer. Moi, ils ont eu des dommages d'intérêt. J'ai vu ça, j'étais comme ça. Ben, c'est plus mais facile pas beaucoup, si hein. Vous voulez. Oui, mais pour la forme, c'est symbolique. Ouais, mais pour la forme, moi, j'en suis à 5 000 euros de ma poche quand même dans cette affaire. Ouais. Ouais, ça coûte du blé. Ça coûte du blé, hein. Et ouais. Et non, mais nous, l'idée, enfin, quand tu défends l'evidence-based medicine, les gens ont l'impression que tu défends, je sais pas, enfin, sur le reproche qui nous est fait, que tu défends Big Pharma. C'est absolument pas le concept. Ah, là, pas par du exemple, tout. Quand je vous ai dit qu'on était sur une politique de prévention vis-à-vis du tabac, mon intérêt, c'est pas que les mecs se farcissent des plantes aromatiques, des tout ça. L'idée, c'est de leur dire, là, ce qui va vous aider, et dans beaucoup de cas, c'est souvent ça, notamment dans l'anxio-dépression. Enfin, dans l'anxiété et la dépression, parce que ce sont deux entités qui sont séparées. C'est la psychothérapie qui fonctionne bien, qui malheureusement n'est pas remboursée. C'est un peu casse-couille, mais c'est comme ça. Et on propose des protocoles de psychothérapie. Moi, chez les fumeurs, je vais faire, entre guillemets, ça ne se voit pas quand on le dit, mais par exemple, je vais faire du renforcement positif, je vais faire des entretiens motivationnels pour essayer de créer un peu de motivation chez les gens et pour les inciter à arrêter de fumer. Ça prend du temps, c'est long, ça prend 20 minutes, c'est payé CUD, mais c'est important. Et c'est de l'evidence-based medicine. Pourquoi ? Parce qu'on a montré que ça permettait un sevrage tabagique plus complet et plus solide. Donc, on le fait. Et ça nous prend du temps et on aimerait être, entre guillemets, rémunéré à cette base-là, et il n'y a pas un seul médicament que machin. Après, évidemment, quand tu as des médicaments qui sont efficaces dans une indication, on va avoir tendance à les recommander, mais quand il y a des médicaments qui ne le sont pas du tout dans cette indication, ou même qui n'ont pas d'indication du tout, il faut qu'on soit capable de le dénoncer. La tribune qui avait été menée, entre guillemets, qui était anti-homéopathie, c'était surtout une tribune pour dire il faut faire le ménage chez nous, parce que ouais, ça déconne quand même gravos. Ça décolle à plein régime. Ça déconne à plein de tubes, et du coup, on va se retrouver dans la merde si on se retrouve dans une situation de crise et où on a besoin de se référer à la science. Et bah boum ! Malheureusement, malheureusement, putain, on est démissionnaire. Ben, l'expérience nous donne raison. C'est-à-dire que voilà, quand on a des praticiens qui sont versés dans les pseudo-médecines ou qui ne sont pas capables de faire le tri entre ce qui est basé sur la science et pas sur la science, ben ça ne se passe pas bien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ben c'est des discours qui sont déstructurés, des gens qui interviennent alors qu'ils sont incompétents, et vraiment un souci de lisibilité. Parce à que partir du moment... Côté... Ouais, vas-y, excuse-moi. Mmh. Parce que d'un côté, vous avez des gens qui sont spécialistes, experts du domaine et qui vous disent voilà les éléments tangibles et tout ça. Et de l'autre côté, vous présentez avec des diplômes qui sont équivalents, entre guillemets, c'est-à-dire un doctorat, et qui racontent que de la merde. Et le grand public est incapable de distinguer, entre guillemets, le vrai du faux. Parce qu'à aucun moment, on a éduqué les gens à distinguer déjà le vrai du faux. Et à aucun moment, on a dit aux praticiens, quand vous racontez de la merde sur le plan scientifique, c'est sanction et exclusion. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où vous créez des systèmes qui sont en opposition, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez des choses, vous mettez d'un côté la médecine qui fonctionne avec des règles, c'est-à-dire, les données de la science, c'est ça, la biologie, elle fonctionne comme ça, la physiologie, elle fonctionne comme ça, et qu'à côté, vous mettez, que ce soit même en parallèle, même si vous mettez en parallèle quelque chose qui ne fonctionne pas sur les mêmes règles, à un moment ou à un autre, ça rentre en contradiction. Vous ne pouvez pas dire, la médecine, ça fonctionne comme ça, mais alors, sauf ça, parce que ça fonctionne différemment. Mais c'est parce que c'est les énergies, c'est le machin, la vibration, mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon, tout ce que tu veux. Mais à partir du moment où tu mets des choses en opposition, tu crées de la tension. Et donc forcément, tu vas avoir envie d'aller plus vers un sens, enfin dans un sens que dans l'autre. Surtout quand t'as un des trucs où t'as de moins en moins de temps pour t'occuper de tes patients, ça fait de plus en plus instrumentalisé, de plus en plus déshumanisé. Et forcément, tu vas aller adhérer au truc d'à côté. Et le problème, c'est que ça crée des problèmes. Ça crée des tensions, des oppositions. Et quand cette opposition, elle est défendue par une partie de la profession, ça déconne quoi. Et quand tu as l'organe qui est censé être là pour... Parce qu'on ne va pas se mentir, le Conseil de l'Ordre a été créé pour ne pas se comporter comme un syndicat. D'accord ? Sa mission première, c'est justement de ne pas être un syndicat. Il n'est pas là pour défendre les médecins. Le Conseil de l'Ordre n'est pas là pour défendre les médecins. Le Conseil de l'Ordre est là pour défendre la médecine. Et pour défendre là, son credo, et là je vais vraiment parler de credo, c'est vraiment le credo de l'ordre des médecins, c'est de défendre la médecine, la déontologie, la pratique médicale, l'art, au sens global du terme, c'est-à-dire la pratique de la médecine, dans tout ce qu'elle comporte. C'est pas de défendre les médecins. Au contraire, son rôle, c'est de faire la police. Son rôle, c'est de défendre le code de santé publique, le code de déontologie, le serment d'Hippocrate. Des mecs comme Martine Vonneur, si le Conseil de l'Ordre faisait son taf, elle serait radiée. C'est son boulot, Il fait son taf, a priori, vu qu'elle est assignée. L'Ordre s'est prononcé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est... Raoult devrait être mis à pied. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Louis Fouché devrait être interdit d'exercice. Là, tu es sur du temps long de justice. Ça prend son temps. C'est super long. C'est super chiant parce que pendant ce temps-là, ces mecs continuent d'agir et de sévir, quoi. Mais il y a aussi un travail. J'ai publié une photo là où ils se remettaient des médailles à eux-mêmes. Ah oui. T'as pas vu l'IHU ? L'IHU qui distribue des médailles. C'est un montage. Les médailles du Covid. Les médailles du Covid, ils se sont remis des médailles. L'IHU a remis à son personnel des médailles pour ceux qui ont fait du bon travail. Par exemple, ils ont remis une médaille à Yanis Roussel pour son travail de communication durant la crise du Covid. Après, c'est toujours sympa de s'entre-applaudir, mais bon. Les mecs étaient en train de se faire une autosus, quoi. C'est globalement. Probablement. Enfin, c'est pas très intéressant ce qui se passe à l'IHU. C'est. Aujourd'hui, faut comprendre que l'IHU, aujourd'hui, c'est considéré comme un centre de recherche de seconde zone. Enfin, clairement, tout ce qui sort de chez Didier Raoult, après la séquence qu'il a montrée sur le plan scientifique, ça ne peut pas être pris au sérieux. Non, c'est difficile. Avoir une seule publication qui peut être prise au sérieux. Aucune. C'est-à-dire, on dira oui, bon, on regardera ça quand on aura le temps, mais concrètement, c'est pas. Enfin, de toute façon, là, c'est une histoire de confiance. C'est-à-dire que quand vous faites du travail scientifique, vous basez tout, entre guillemets, sur la confiance. C'est-à-dire que vous donnez des datas solides, robustes, et votre réputation, vous la faites parce que, ah ben oui, lui, il travaille sérieusement, c'est propre. À partir du moment où vous chiez sur une. Sur un truc, enfin sur un papier, et vous dites ben voilà, ça c'est mon travail. Concrètement, enfin voilà, t'es évaluateur, tu dis. Alors faites attention, il y a quand même dans le chat, je vois les trucs qui passent. À l'IHU, il y a quand même des gens qui travaillent vraiment sérieusement. C'est pas parce que la direction fait de la merde. Je parle de l'équipe. Je parle de l'équipe de Raoult là, clairement. Le travail qui est fourni par Raoult, c'est pas ouf, et ça doit être regardé avec un peu de suspicion. Après, je doute pas qu'il y ait des gens qui travaillent dans ces unités, qui essaient de faire leur travail du mieux possible. Et on en connaît, hein. Probablement, mais c'est difficile de prendre un travail qui sort de cet endroit-là au sérieux, parce qu'il y a une réputation désormais quasiment de fraude scientifique. Quoi. Donc, ils ont déjà été épinglés pour ça. Donc, moi, je vais faire mon oracle. Je vais faire mon oracle cosmique, là, mais moi, je vous prends Raoult en fin de carrière, je vous prends les paris qu'à partir du moment où Didier Raoult n'est plus à l'IHU, l'IHU coule. Enfin, il sera effectivement, ça sera remanié et restructuré pour faire en sorte que ça ne va pas continuer sous cette formule-là. Mais c'est quand même chiant d'avoir un institut de recherche qui dépend à ce point de son directeur, quoi. Ouais. Ça me pose souci, en tout cas. Ça me pose grave souci. Bref. Mais enfin bon. Il y a une question pour le collectif FakeMed. Mm. Pourquoi les non-votants ne sont pas représentés dans le bureau du collectif FakeMed? Quitte à ce qu'il soit très minoritaire, voire un représentant. Alors, c'est moi qui ai monté le bureau, donc je vais pouvoir vous en parler. L'objectif de FakeMed, c'était d'être une association représentative de professions de santé, c'est-à-dire de professionnels de santé. On s'est présenté, entre guillemets, pour combattre les pseudo-médecines et tout ça, on s'est présenté d'abord, pas comme un collectif citoyen, mais comme un collectif de professionnels de santé. Il y a beaucoup de gens qui ont insisté, qui voulaient participer à la vie du collectif en n'étant pas professionnels de santé eux-mêmes, des journalistes, des chercheurs de manière générale. Et on leur a dit « Ok, mais ce n'est pas vous qui avez l'effort décisionnaire. » C'est logique. On est censé représenter un collectif de professionnels de santé. Il y a des collectifs citoyens qui existent, qui sont ouverts à tout le monde, tout ça, et c'est très bien, et je suis très content pour eux. Mais à la base, FakeMed est un collectif de professionnels de santé, plus précisément de professions de santé qui sont soumises à un ordre professionnel. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce que ça avait une obligation de déontologie qui nous paraissait importante, et que les professions de santé, on peut être ultra large à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des trucs qui se revendiquent comme étant des professions de santé ou qui peuvent s'en revendiquer sur la base d'une inscription à un registre ou à un autre. Typiquement, l'OMS référence des tonnes de professions de santé et certaines qui sont carrément des pseudo-médecines. Je ne vais pas toutes les citer, mais voilà. Donc, on s'est dit, s'il y a une réglementation avec des obligations déontologiques qui imposent le respect scientifique, c'est déjà une assurance. Donc, ouais, ça a été structuré comme ça, mais voilà. Mais il faut que vous compreniez que FakeMed, enfin, ou le collectif No FakeMed, n'est pas un regroupement, entre guillemets, de. Alors, il y avait aussi une autre chose. Il y avait aussi une autre chose, c'est qu'au départ, on était sous le feu de la toux, on était en plein milieu du marasme, et qu'on avait déjà certains de nos opposants qui essayaient d'adhérer. Et le truc, c'était de. Ce qui aurait pu être un risque, c'était de se faire noyauter par des mecs qui auraient pris le pouvoir à l'intérieur même de notre association. C'est ça. Et on était sur la base, il faut qu'on compreniez qu'on était peu nombreux. On était quelques centaines. On était une centaine quand on a débuté. On avait au moins les signataires de la tribune. On était quelques centaines. À tout péter, on était quelques centaines. Et voilà. C'est pour ça qu'on a mis d'ailleurs des frais d'adhésion qui étaient relativement chers pour bloquer un petit peu ce système-là. Sinon, j'aurais mis à 2 euros. Ça ne me pose pas de problème. Mais voilà. On n'est pas là pour. On avait juste besoin d'avoir une structure déjà pour assurer les plaintes, parce que il en a quand même pris. Il y a quand même 60 personnes qui ont pris des plaintes. Moi, j'en ai deux. Jérémy aussi. On les collectionne. Ils nous connaissent bien maintenant, Conseil de l'Ordre. C'est quelqu'un cher, hein. Qui dit Casanova dans le bureau, ça pourra animer les réunions. C'est vrai, on n'avait pas très envie. Donc ouais, c'est un peu compliqué, mais après, sur l'historique de l'association, ça se vit bien. Enfin, on écrira nos mémoires dans 20 ans. J'assume complètement d'avoir fait comme ça, ça nous paraissait être le plus juste. Après, est-ce que les futurs bureaux vont ouvrir à l'ensemble des citoyens? Peut-être, mais à ce moment-là, le collectif FakeMed, c'est plus exactement la même chose, c'est un collectif de citoyens, et donc ça a plus ce rôle d'expertise. à ce moment-là que j'ai essayé de donner. Mais tout se discute, tout se voit, quoi. Déjà, là, on va faire notre taf à notre, à notre niveau, et puis on... C'est ça. Enfin, notre objectif après, premier est atteint. on a passé un palier. Mais l'association, à la base, elle est montée sur la base de... je signe une tribune dans le Figaro que je me dis, bon, c'est Osef, quoi. Je la défends un peu dans les médias parce que c'est ma tribune, et voilà. Et ça monte en épingle. Et là, j'ai plein de gens, plein de médecins qui viennent me voir en me faisant « Hey, j'ai pris des plaintes. » Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On t'a pas entendu. « Hey, j'ai pris des plaintes. » Ouais, j'ai pris des plaintes. J'ai pris des plaintes et comment ça se fait? Et j'ai peur. Et moi, j'ai jamais fait de conciliation auprès du conseil de l'ordre. Et puis ces boirons en face, ils ont quand même 600 millions de budget alors que c'est moi, ça, je gagne 100 000 euros par an. À la base, la première plainte, c'est trois syndicats et deux associations de représentants des... Ouais, ils sont un peu plus que ça, mais il y a des mecs en leur nom propre, il y a les syndicats, ouais, les syndicats moisis, des... je dois avoir ça quelque part. Et vous prenez... Il y avait les syndicats des médecines alternatives, ou je ne sais pas quoi. Ouais, il y avait des syndicats de... Ouais, le smile, le smell, enfin, il y a des tas de trucs comme ça. Et en fait, vous prenez un pavé de 40 pages en disant que vous êtes la personne la plus horrible de la Terre. C'est très déstabilisant parce que derrière, si vous êtes condamné, on te dit ben, question et au revoir l'exercice de la médecine. C'est 12 ans d'études quand même. Je n'ai pas très, très envie d'être viré parce que j'ai dit que l'homéopathie, c'est quand même du caca. Donc, effectivement, c'était très perturbant. Il y a beaucoup de collègues qui ont flippé, qui ont eu très, très peur. Et il faut purer un petit peu tout ça pour essayer d'avoir une réponse qui soit un peu coordonnée. Dire bon ben on va essayer de recruter un avocat, tout ça, on va essayer de faire en sorte que une partie des charges soit un petit peu soutenue parce qu'il y en a qui n'avaient pas d'assurance ou de machin comme ça. C'est compliqué, c'était très très compliqué. Et donc ouais, c'est la structure à la base était faite pour soutenir les collègues qui avaient pris des plaintes et pour faire en sorte qu'il y ait un soutien juridique et en plus les actions du collectif sur le plan médiatique. Mais à la base, ouais, l'association est surtout structurée parce qu'on prend des plaintes et qu'on a des collègues qui sont inquiets, quoi. Maître, d'ailleurs, on vous salue. Maître Segar. Maître Segar, on vous salue bien bas. Écoutez, je ne sais pas s'il y a encore des questions ou si on va commencer à amener le mot de la fin. Je ne sais pas qu'en pensez-vous. Oh bah nous... Nous, ça va, c'est pas nous qui animons le stream, donc nous, on raconte que de la merde. D'abord, quand même, non. Mais on raconte notre life, hein, donc c'est pas non plus. C'est aussi pour ça, ce qui était important, c'était pour moi, c'était de montrer aussi, donner la parole aux personnes qui sont sur le terrain, parce que c'est vrai qu'on a souvent soit des porte-parole, soit des gens qui. Des communicants, on va dire, et pas forcément des gens qui connaissent les sujets. Hein. Il y a beaucoup de gens qui passent à la télé, on leur fait des bristles et puis ils récitent. Donc c'est vrai que là, au moins, on peut échanger directement et puis approfondir des questions. Oui. C'est le principal. Je vois beaucoup de questions autour de la psychanalyse est considérée comme une pseudo-médecine aujourd'hui. Des os, ouais, pas des os. Ouais, la psychanalyse. Psychanalyse, faut que ça sorte de. Ça n'existe qu'en France quasiment, la psychanalyse. Hein. Bah, c'était des amis un psychologue qui m'avait dit que pour être psychanalyste officiellement, il faut juste avoir fait soi-même une psychanalyse. Il faut faire sa propre psychanalyse, ouais, c'est tout. Voilà, et après, tu peux mettre la pancarte sur la porte. Après, tu as des psychologues qui font aussi psychanalyste. Mais au moins, tu te dis au moins, ils ont une formation de psychologue à la base, donc pourquoi pas. Donc, psychiatre. Les psychiatres sont des médecins. La différence entre psychologue et médecin, entre psychologue et psychiatre, c'est que le psychiatre il peut prescrire des médocs et qu'il est médecin, et que le psychologue n'a pas de formation de médecin. Oui, donc voilà, mais il y a. Moi, y a je le suis vraiment pas versé dans le domaine, donc je vais pas. Il y a le psychiatre qui est un médecin psychiatre, il y a le psychologue qui fait des études de psychologie, hein, c'est-à-dire la faculté et tout ça, et le psychanalyste, a priori, il y a la propre psychanalyse. Enfin bref, moi, ce que je sais, c'est que, quel que soit votre rayon, si vous faites il y a un nombre d'applications de la psychanalyse, parce que c'est nulle part. En psychologie, certaines pratiques de psychothérapie qui sont intéressantes dans certaines situations et d'autres genre les thérapies cognitivo-comportementales, je sais que c'est intéressant, par exemple, dans le sevrage du tabac. Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant dans toutes les pathologies qu'on rencontre. Donc, il faut aussi savoir, entre guillemets, quelle est la technique qui est la plus adaptée et tout ça. Et en général, ben, le thérapeute qui sait, entre guillemets, appliquer en fonction des situations. Donc, voilà, c'est le problème qu'on a, nous. On a des médecins généralistes. La médecine générale, c'est très bien. L'homéopathie, c'est pas cool. Vous avez des médecins généralistes homéopathes. On fait quoi ? Bizarrement, j'ai jamais croisé de chirurgien homéopathe. C'est étrange, hein ? Moi, j'ai croisé des cardiologues homéopathes, des ORL homéopathes. Non, je suis ravi. Ma région vend du rêve. Donc, non, c'est pas... Enfin, voilà, vous avez... je suis pas sûr que rajouter une part de caca dans votre activité parfaitement légite soit une plus-value, à mon avis. Donc, j'aurais tendance, si quelqu'un s'affiche psychanalyste, plutôt à me méfier, à être un petit peu méfiant vis-à-vis de tout ça. Après, ça ne veut pas dire que tout est caca, mais ça veut dire que quand même, on verse d'un côté vers quelque chose qui n'a pas de preuve scientifique. Et fondamentalement, si on n'est pas totalement scientifique, on est sur quelque chose qui peut être à risque de dérive, donc attention. C'est vrai qu'il y avait des biais, plein de choses. J'ai vu des tas de vidéos, je ne sais plus si c'est Defecator ou d'autres, mais moi je suis complètement dans le délire où si je vais voir mon médecin, ça me saoule, hein. J'arrive devant mon médecin, je vais mieux. Il me dit putain, il va croire que je suis un mytho. Heureusement, mon médecin, moi je lui dis que j'ai mal au dos, il me le croit, quoi, même si je vais bien quand je suis devant lui. Mais le truc, c'est que ouais, on est soumis des fois à des biais et c'est après... le danger avec la pseudo-médecine, c'est qu'on se dit ça a marché pour ça, ça va marcher pour l'autre truc, et on peut faire des prises en charge tardives pour des choses très très graves parce qu'on a essayé de se soigner avec des pierres ou des trucs. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que on vous croit. C'est tout. Ouais, c'est-à-dire non, la médecine, c'est basé sur on vous croit. Moi, il y a quelqu'un qui vient me voir qui me dit j'ai des douleurs dans la poitrine. Je pense pas qu'il les a inventées pour me faire chier. Je pense qu'il a eu des douleurs dans la poitrine. Voilà, il me le dit, je le crois, il n'y a aucun problème. Si quelqu'un vient me voir en me disant j'ai la gastro, enfin j'ai chié mou et j'ai vomi, j'ai pas besoin qu'il me vomisse dans une bassine devant moi pour être sûr qu'il a vomi. C'est voilà, et c'est pour ça que effectivement, vous pouvez vous présenter chez votre médecin généraliste, lui présenter tous les symptômes de la gastro sans forcément avoir une auscultation pathologique, hein, et qu'il vous dise ok frère, t'as la gastro, je t'arrête 5 jours. Vous pouvez truander votre médecin très facilement, c'est pas le souci. Mais à ce moment-là, vous avez rompu une part importante de votre rapport médecin-malade, c'est ce rapport de confiance. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas là pour faire l'enquête et pour dire « est-ce qu'il ne m'aurait pas menti ?» Je suis là pour dire « tu m'as présenté un set de symptômes, mon objectif, ce n'est pas de te juger, mon objectif, c'est de te donner une explication rationnelle à ce que tu ressens. » Et des fois, les douleurs dans la poitrine, c'est psychologique, ce n'est pas grave. Ça, elles sont vraies, elles existent, tout ça, mais tu manifestes ton anxiété de cette manière-là. Moi, mon rôle, ça a été de te dire « c'est pas ton cœur, parce que ton cœur va bien, et ça me fait plaisir que ton cœur aille bien. Peut-être il faudrait te pencher vers autre chose, c'est peut-être digestif, c'est peut-être un autre problème. Mais moi, j'ai pas l'expertise pour t'accompagner sur un plan psychothérapeutique. » Et ça m'arrive hyper souvent que le mec vienne pour des douleurs, parce qu'il a eu peur, parce que son collègue de travail a fait un infarctus la veille et que du coup, ça l'a un peu picoté et voilà. Et à la fin, quand tu discutes avec lui, le mec est en burn-out parce que sur le plan professionnel, c'est très compliqué, parce qu'il a dû faire des adaptations de poste très rapides à cause du Covid et qu'il n'est pas du tout à l'aise parce que, je ne sais pas, il est prof et il n'est pas du tout à l'aise sur la pratique de l'enseignement distanciel et ça lui cause beaucoup de peine et c'est très compliqué. Et il n'est pas adepte des nouvelles technologies et c'est super chiant. Et voilà, et c'est très con, ça peut vous paraître très bête comme ça, mais on avance à ce niveau-là. Mais là-bas, quand vous présentez à votre médecin, il n'est pas là pour vous juger, il est là pour essayer de vous donner en théorie un diagnostic. Oui, bon, après, si vous tombez sur un... Après, voilà, ça reste un être humain, donc il y a des points dans toutes les professions, y compris chez les médecins. Voilà, non, mais vous pouvez pas attendre d'un médecin qu'il ne soit pas humain. Vous ne pouvez pas attendre d'un médecin, si vous lui cassez les couilles pendant 35 minutes, qu'il soit tout souriant et tout sympa tout le temps. Vous ne pouvez pas attendre de votre médecin si il est 20h, il est tout crevé, et vous commencez à lui dire que c'est... hypocrite et tout ça, à être reçu comme si vous étiez une princesse. On n'est pas toujours ultra disponible, ultra au taquet. Ouais, enfin, on est des êtres humains et de temps en temps, ben, y a des mecs qui sont mal grattés, il y a des mecs qui ne sont pas ad hoc, qui ne sont pas adaptés. voilà, on fait de notre mieux. Enfin, moi, en tout cas, quand je prends en charge, je fais de mon mieux. Et voilà, et il y a toujours des moments. Enfin, moi, Laurent, t'es un professionnel dans la petite enfance, par exemple. De temps en temps, il y a des moments où ça doit bouillir, où tu ne dois pas être exactement tout parfait. On n'est pas en bois, c'est sûr. Après, voilà, que ce soit en CSA, ou en IME ou en UEM, peu importe. Voilà, moi, ça m'est arrivé sur une structure qui était très, très bruyante. C'était 2015-2016, par là. Avec les collègues, on mettait les boules de caisse. Parce que sinon, on pétait un câble. Les gamins criaient beaucoup, il y avait beaucoup de trucs du comportement, ils commençaient à peine leur inclusion scolaire. On travaillait à la propreté, on travaillait plein de trucs en même temps. C'était le feu, quoi. Et donc, on mettait les boules de caisse. Parce que je suis pas yogi, quoi. Au bout d'un moment, donc, on trouve des mécanismes de compensation, n'est-ce pas, pour réussir à faire le boulot correctement. Parce que les parents attendent un résultat, mais on essaye, c'est normal. Hein. Voilà. On essaye, et moi j'ai des collègues qui bossent en psychiatrie, ils me disent moi ça se passe bien dans 99% du temps, et il y a ce gamin c'est très compliqué parce qu'il a été placé 3 fois, parce qu'il communique avec lui, parce qu'il pète tout dès qu'il en a l'occasion, parce qu'il a un contexte social extrêmement difficile, et on le comprend, on est empathique, il a une histoire de vie abominable, il a des situations machin, mais enfin, il est ultra c'est dur. Ça. La difficulté pour nous, c'est de ne pas rejeter un enfant. C'est quand on prend en charge un enfant, on va l'accompagner et on va essayer d'adapter un peu l'environnement, d'adapter notre manière de faire, etc. Mais effectivement, en face, nous, on est des êtres humains. Et voilà, quand je dis qu'on met des boules caisses, ce n'est pas pour arrêter d'entendre l'enfant, ça a atténué le son. On n'avait plus les aigus. Tout le monde met des boules caisses quand ils vont en concert, au Hellfest et tout ça. Le Hellfest. Donc, désolé, les copains. Voilà, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu et c'est pas cette année que ça va être mieux, mais disons que voilà, comme ça au moins on peut être avec l'enfant, il est en face de nous, on le fait travailler et on s'économise un petit peu. En plus de ça, moi j'ai un gros syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un os qui sort ou du sang qui coule, moi c'est vrai que j'ai tendance à pas trop aller voir le médecin parce que justement je vais voir le médecin, je vais mieux et je croise des gens qui vont tellement mal et je me dis pourquoi moi je vais voir le médecin alors qu'il y a d'autres. Le médecin n'a pas juste le rôle de c'est quand t'as le bras arraché qu'il faut y aller. Le médecin généraliste, c'est avant tout un acteur de prévention. C'est-à-dire que moi, il y a des tas de consultations que tu démarres sur des douleurs thoraciques et je vais finir par en faire des consultations à arrêt du tabac parce que ça me paraît, bon, la douleur, j'y crois pas du tout parce que la présentation, c'est pas ça, parce que le patient est à très faible risque, parce que les premiers éléments sont pas inquiétants. Et je vais dire, je vais convertir et on va se concentrer là-bas. Donc, en plus, il a l'air disponible, je lui pose la question, il me dit qu'il est motivé pour arrêter. Je vais insister, je vais passer 20 minutes supplémentaires sur l'arrêt du tabac et ce n'est pas inintéressant, c'est-à-dire on n'a pas perdu notre temps. Ce n'est pas parce que le diagnostic est négatif, c'est-à-dire ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé un truc cardiaque qu'on ne passe pas un moment à parler des trucs qui sont importants dans sa prise en charge et, ou juste à parler. Simplement, c'est-à-dire à exprimer des plaintes et tout ça. Mais c'est vrai que au bout du 30e patient qui arrive et qui te dit ça va pas, le moral il est pas bon et tout ça, et qui ont besoin de parler et que toi t'éponges, c'est dur quoi. Donc, C'était sur le XXL qu'on avait fait sur la chaîne Plan Social avec François et Julien Méniel. On disait que faire de la prévention, c'est même pas gaspiller de l'argent parce qu'en fait ça en fait économiser au final. Bien sûr. Parce que ça permettra une prise en charge précoce. Et puis, ça, déjà, c'est mieux parce que tu es en bonne santé, déjà. Mmh. Et puis, quand tu vérifies tes chicots et que tu fais un petit détartrage, ça coûte beaucoup moins cher que de faire une prothèse. Je ne connais pas les termes de dentiste, mais bon, voilà, d'avoir les trucs lourds à changer parce que c'est trop tard. Si tu vas régulièrement chez le dentiste faire un petit détartrage une fois par an, ça coûte beaucoup moins cher à la sécu. Même si on s'en fiche que les gens aillent mieux, c'est mieux parce que les gens sont en meilleure santé, c'est mieux parce que ça coûte moins cher à la collectivité. Il y a tout qui justifie de faire comme ça, en fait, avec la prévention. Mais aujourd'hui, ton système de santé est structuré autour de ce qu'on appelle la tarification à l'acte et où tu es rémunéré lorsque tu fais des trucs, des gestes, des machins. Et concrètement, 30 minutes à apaiser un patient, c'est rémunéré peanuts, de grammes, rémunéré de l'argent. Donc, on a un système de santé qui est très orienté parce que il ne faut pas se mentir, notre système de facturation impacte directement la manière dont on soigne les gens. Si vous avez un système de santé qui rembourse plus les actes de prévention que les actes curatifs, je vous garantis qu'on passerait beaucoup plus de temps à faire de la prévention plutôt qu'à foutre des grosses stents, clairement. Mais ça, c'est sûr et certain. En santé bucco-dentaire, vous revalorisez les soins de dévitalisation et de reconstruction couronne, des couronnes, pas de mettre des couronnes, mais de reconstruire ce qui est déjà en place. Et vous favorisez les soins de gencives et de détartrage. Bah, bizarrement, vous allez améliorer la santé bucco-dentaire de la population. C'est pas compliqué, c'est ce que font les Suisses. Les Suisses, ils ont des hygiénistes. Ils ont une spécialité, c'est les hygiénistes. Ils sont spécialisés dans apprendre aux gens à se brosser les dents et ils font des détartrages. Ils ne font que ça, c'est leur métier. Ils sont spécialisés dans l'hygiène orale. Bah, les Suisses ont le meilleur système de, ont la meilleure hygiène bucco-dentaire du monde. C'est tout. Voilà. Bon, bah, nous, on avait des dentistes qui passaient faire de la prévention du bucco-dentaire aussi dans nos services. Et ils nous montraient des photos, parce que forcément, avec l'humour autistique, des fois, il y a des enfants qui sont plutôt réfractaires à faire certaines choses du quotidien, notamment se brosser les dents. Ils ne sont pas autonomes. Et quand on leur met une brosse à dents dans la bouche, bah, ils se disent qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu me fais ça, ils ne comprennent pas. Et ils nous montraient des photos, ce que ça donnait à un gamin qui ne se brosse pas les dents au bout de quelques années. Donc, bah, il n'y a plus de dents. Ou alors, il y a des dents qui sont complètement abusées, parce qu'en plus de ça, il, je ne sais plus comment on appelle ça, mais il crasse les dents. Donc, on se dit, ouais, c'est important de se brosser les dents quand même. De manière générale, enfin, par exemple, la psychothérapie n'est pas remboursée. La diététique n'est pas remboursée. Le sport, entre guillemets, l'encadrement sportif, charge des patients. Pourtant, c'est des éléments, moi en santé, en prévention cardiovasculaire, c'est des éléments que j'utiliserai à fond. D'ailleurs, j'utilise chez les patients, par exemple, qui ont des antécédents d'infarctus, tout ça. Bon, il faut avoir fait l'infarctus avant, mais on a des programmes de rééducation. Ben oui, c'est pas l'objectif. Mais on a des programmes de rééducation, et moi, je remets les patients très régulièrement en rééducation pour une raison très simple, c'est que plus les patients vont être exposés à l'éducation thérapeutique, à la rééducation, moins ils vont être hospitalisés, moins ils vont faire de complications, et moins ils auront de problèmes de santé à terme, et leur survie va augmenter. Je veux dire, moi, je suis le mec de la Sécu, il vaut mieux que le mec se pointe en rééducation une fois tous les ans, tous les deux ans, plutôt qu'on aille lui poser des gros stents ou lui faire une chirurgie cardiaque, hein. Clairement, hein, c'est tout bénef. Hein. Il y a aussi un autre problème là, dans le chat. Il y a des personnes qui habitent la province et ils parlent du problème de la pénurie de médecins. Quoi. Non, mais la pénurie de médecins, c'est pas notre problème. Il n'y a pas assez de médecins, d'accord, mais c'est parce que le médecin est remboursé, c'est-à-dire c'est le premier accès sur à peu près tout. Comme, comme la psychothérapie elle n'est pas remboursée par le médecin, ben c'est ma femme, qui est médecin généraliste, qui voit les gens et qui leur donne un bout de psychothérapie ou qui essaie de les orienter à ce niveau-là. Si on n'a pas de backup, entre guillemets, d'autres professionnels de santé, si on ne valorise pas d'autres professions de santé pour pouvoir faire ce taf d'accompagnement des patients, on est obligé de le faire nous-mêmes. Et si on est obligé de le faire nous-mêmes, c'est du temps qu'on passe et qu'on ne peut pas passer. Le médecin, il devrait être réservé à faire des actes médicaux. Enfin, je veux dire... Et encore, on ne lui paye pas tous ses actes médicaux. Eh oui, on ne paye pas pour tout. À partir du troisième acte, c'est gratuit. C'est sympa. Ouais, donc, on expliquera ça après. Il ne faut pas tout faire dans le même temps. Mais voilà. Mais par exemple, un pédiatre, il va passer un temps infini à faire de la puériculture. C'est-à-dire que quand vous allez voir le pédiatre, pour soigner un enfant malade, c'est pour savoir, il fait passer nuit, et il a mal au ventre, et il a les dents qui couinent, et il a le machin qui truc, et des fois, il fait machin. Si on avait des gens, entre guillemets, des professionnels de la puériculture facilement accessibles en premier recours, le pédiatre, il serait quand même vachement plus disponible pour faire de la pédiatrie, ou le médecin généraliste pour faire général. Et si le cardiologue, il n'était pas embousé avec tout un tas de trucs qui relèvent manifestement de la pathologie psy, ben, on a plus de temps pour accueillir les patients. Donc, il y a... C'est-à-dire que c'est bien d'envoyer les gens qui ont des suspicions d'anxiété chez le cardiologue, mais au bout d'un moment, ces gens-là, il faut qu'ils se soignent, il faut qu'ils se soignent avec des outils efficaces. Et on ne peut pas passer notre temps à rassurer les gens qui sont juste inquiets, en fait. Donc, il y a un équilibre à trouver de manière générale, mais de toute façon, le nombre de médecins, il ne va pas grossir de manière générale. C'est juste que la population vieillit, est de plus en plus demandeuse vis-à-vis des soins et qu'il va falloir trouver un équilibre. Et fondamentalement, ben, les médecins vont se concentrer vers le soin pur et dur, et beaucoup moins vers les actions qui peuvent être déléguées. Et ce qui peut être délégué, c'est la prévention. Mais pour pouvoir déléguer la prévention, il faut des acteurs de prévention qui soient payés pour faire ça. Enfin, je veux dire, il y a carrément l'espace. On n'a pas besoin d'avoir des homéopathes ou des gens qui font des pseudomédecines. On a juste besoin d'avoir des gens qui font du sport, des gens qui font de la diététique, des gens qui font de la psychothérapie et qui soient correctement rémunérés pour faire ça. Et avec une exigence scientifique forte, c'est-à-dire qu'on leur dit des trucs, mais on fait des trucs démontrés. C'est-à-dire que le sport, on le fait comme ça et on ne le fait pas à la one again et parce que j'ai envie que ça soit pompé up. C'est, on fait ça parce que c'est efficient. C'est ça qu'on demande. C'est, si vous voulez, l'evidence-based medicine, c'est ça qu'on demande. Mais effectivement, c'est un investissement lourd, ouais. Initial. C'est un investissement initial qui se voit à 15 ans. Donc, il faut des prêts. En fait, le truc, c'est que la santé ne devrait pas être soumise à des plans politiques quinquennaux. En fait. Il devrait être soumis à des plans. La santé devrait être indépendante de ce genre de choses. C'est des, Donc, voilà. Mais je ne suis pas sûr, entre guillemets, que l'ensemble. Des demandes entre guillemets en médecine générale soit de la médecine générale, je suis pas sûr que l'ensemble des demandes des urgences soient liées aux urgences. Souvent aux urgences, c'est des mecs qui ont un scan qui doit être prévu à un mois et parce qu'il y a du délai, les mecs se pointent aux urgences parce qu'ils savent qu'on va leur faire vite. C'est pas ça qu'on devrait pouvoir faire. Ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est accueillir les urgences dans de bonnes conditions, c'est accueillir les patients cardiologiques dans de bonnes conditions et avec des délais raisonnables. Et ça, il va falloir rationner. Donc, les gens sont tous pour jusqu'au moment où ça les concerne eux. C'est-à-dire que tu dis, les urgences, il faudrait qu'on ait, entre guillemets, moins de fréquentation des urgences. Les mecs, ils disent, OK, ben, du coup, il faut appeler le 15 avant d'aller aux urgences. Et là, les gens, ils font, ah non. Ben, pourquoi non? Eh ben non, parce que moi, j'ai quand même envie de me pointer aux urgences quand j'en ai envie. Il dit, mais tu dis qu'il y a une surfréquentation. Ouais, mais bon, après, si on doit passer par le 15, c'est chiant. Moi, je veux garder ma liberté. Donc, ouais, mais à ce moment-là, tout le monde garde sa liberté. C'est ce que j'expliquais sur une vidéo, c'était qu'on pouvait appeler le 15 pour avoir un simple avis médical. Et j'avais demandé à des personnes qui bossaient au SAMU, mais c'est vrai ça ? Il fait, bah oui. Ah, justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Vas-y, termine, j'explique un truc après. Vas-y, Laurent. Et il disait, bah, oui, évidemment, c'est mieux d'ailleurs, parce que sinon, après, il y a plein de raisons, en fait. C'est que déjà, sinon, ça bouge, alors qu'on peut peut-être envoyer un espèce de médecin à la maison. Alors, il y a plein de cas où ce n'est pas possible, mais le peu de cas où c'est possible, bah, c'est vrai que ça allège un peu les urgences. Il y a aussi les cas où il ne faut pas déplacer le malade ou le blessé. Il y a les cas où le gamin, il se blesse à l'œil, on file à l'interco, alors qu'en fait, il fallait aller au 15-20. Donc, rebelote, on repart dans l'autre direction, alors que l'ambulance ou les pompiers, ils seraient allés directement au bon endroit, ou en tout cas, le SAMU aurait orienté vers le bon hôpital. Il y a les hôpitaux qui n'ont pas de maternité, donc on peut faire accoucher quelqu'un n'importe où. Vous dérangerez jamais le 15 si vous appelez en disant, voilà, je sais pas, j'ai une question. Jamais vous dérangerez le 15. Non, si vous appelez le 15 quand pour il dire. Décroche, dites bien, j'appelle pour avoir un avis médical. Mais... Comme ça, vous annoncez la couleur, ça détend tout de suite. Ah, bah, bien sûr, vous appelez le 15 et leur dites, écoutez, j'ai besoin d'un avis, je sais pas. Mais putain, mais jamais vous n'aurez de problème. Jamais, jamais. Par contre, vous appelez pour dire, je veux ça. C'est mort. J'ai besoin d'une ambulance. Bah non, c'est non, pas vous n'avez pas besoin d'une ambulance. Vous avez besoin d'un avis. C'est ça. Non, puis des fois, j'ai mes collègues. Moi, je suis pas secouriste à la Croix-Rouge. Moi, je fais de la formation PSC1, je fais de la maraude pour les sans-abri. Mais je suis pas secouriste. J'ai des collègues secouristes, des fois. Et ben, ils font l'ambulance pour les urgences. En fait, ils épaulent le SAMU certains jours, certains soirs. Parce que voilà, il n'y a pas assez d'ambulances. Donc, ça fait le renfort. Ça va aller sur telle situation où les ambulances ne peuvent pas se déplacer. C'est des trucs très spécifiques. Mais voilà, effectivement, ils ont pas 15 milliards d'ambulances et ils vont. Poser des tas de questions avant de se décider si ça vaut le coup ou pas d'envoyer quelqu'un ou si la personne doit se déplacer par elle-même ou si on va envoyer un médecin à domicile. Voilà, il y a toute une arborescence de questionnaires, un peu comme les gens qui te saoulent pour te vendre des assurances vie. Hein, voilà, ils ont un ordinateur, ils posent des questions et puis au bout d'un moment, ils vont te passer au médecin régulateur. Ils vont dire, bon, okay, mais on en revient, on a une logique algorithmique. Hein, c'est-à-dire que moi, quand je vois un patient... j'ai des algorithmes pour tout. J'ai un algorithme douleur thoracique, j'ai un algorithme palpitation, j'ai un algorithme machin, et je regarde si ça rentre dans la bonne case, tout ça. Bon, après, c'est pas si simple. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent pas en me faisant « Bonjour, j'ai des palpitations. Elles surviennent toutes les 36 heures et elles surviennent de telle manière comme ça. » Tu es obligé d'aller creuser, d'aller récolter l'information. La collecte, c'est pas simple, mais c'est un métier. L'interrogatoire, l'examen clinique, c'est tout un... Ah, c'est un art. C'est un art, pour le coup. C'est un art. Il faut... Pour que ça file, pour faire dire au mec ce qu'il a... Pour l'orienter sans trop le forcer, c'est tout un art. Oui. C'est ça. L'interrogatoire, c'est pas facile. Rester sur des questions ouvertes, pas forcément orienter la réponse du machin. C'est ça. C'est, voilà, je peux vous poser des questions pour faire en sorte que vous me répondiez un truc bien précis. Non, mais vous êtes un peu essoufflé en ce moment. Après, dans le chat, à chaque fois que je dis, à chaque fois qu'on a ce genre de thème-là, à chaque fois, il y a des gens qui me sortent une anecdote perso qui vont me dire « Oui, moi, on m'a dit « c'est rien » et quand je suis allé aux urgences, en fait, j'étais en train de frôler la mort. » Il y a des erreurs de diagnostic, c'est complètement possible. C'est complètement possible. Après je vais peut-être mettre l'info par rapport au chat. On fait beaucoup, entre guillemets, beaucoup de patients refont le match, oui. Entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous avez des histoires de Tati Germaine et tout ça, moi, je refais le match, en fait, avec les données factuelles, tout ça. Et tu as l'urgentiste, tu as la personne qui te dit « Moi, j'ai frôlé la mort, je suis allé aux urgences. » Tu dis « Ah oui, bon, très bien. » On va quand même récupérer le compte-rendu des urgences et pour vous regarder le machin et vous dites « Ouais. » Ouais, c'est un peu romancé. Clairement, c'était pas non plus, on n'était pas à deux doigts de la mort. La prise en charge du médecin généraliste, elle était parfaitement adaptée. On a refait un scan pour être sûr, qui a un peu confirmé ce qui était là. Vous êtes sorti 12 heures après. Ça se serait bien passé. Il arrive. Attends, Jérémy. Spectacle. Mais tu peux reprendre, je pense que ton son est revenu. Ouais. Excusez-moi. Donc, pourtant, je suis sur la 4G. Normalement, ça devrait. Oui, mais c'est juste par moment, tu as des petites chutes de trucs, ça dure quelques secondes. Je suis désolé. Un jour, j'aurai Internet lorsque la fibre voudra bien s'installer dans mon village. Oui. Mais ce n'est pas tout de suite. Donc, ouais, il y a beaucoup, entre guillemets, on romance un petit peu son histoire, on romance un petit peu son expérience. Les gens nous disent lui il m'a sauvé la vie, lui c'est un héros, moi j'étais au sommet de la mort, tout ça. Quand vous reprenez les histoires à froid, un peu à blanc, et en essayant de prendre un peu de distance vis-à-vis de tout ça, c'est en général beaucoup plus nuancé, c'est en général des histoires qui sont beaucoup plus simples. Il n'y a pas d'erreurs majeures qui se font, il y a en général des prises en charge échelonnées. Vous vous présentez avec des symptômes peu graves, le médecin vous dit bon, pour l'instant ça n'a pas l'air très inquiétant, on refait le point et si vous avez toujours mal, on reconsulte. Le patient va se pointer aux urgences et effectivement, quand le patient s'est aggravé et qu'il a des symptômes un peu plus, on lui découvre l'appendicite et on lui dit ah ben oui, ben là du coup il faut opérer. C'est juste ça l'histoire. Vous seriez pointé 48 heures plus tard. Scandale, c'était 2-3 ans en arrière, peut-être un peu plus. Où il y avait une dame où il y avait carrément l'enregistrement qui avait attelé sur les réseaux sociaux, où tu avais la dame qui pleurait, qui disait « j'ai mal, madame, j'ai mal », et la dame aux urgences qui lui répond, l'agent de régulation qui lui répond « non, mais c'est bon, madame, ça va aller, allez, arrêtez d'appeler ». Et puis la dame est morte 2 heures plus tard, et puis elle avait une petite fille. On n'est jamais à l'abri d'une connerie. Oui, c'est ça. Ou d'un mec qui fait mal son travail. Mon père est régulateur au SMUR, une fois, il a eu un patient, il est mort de sa varicelle. Ça n'arrive pas tous les jours, hein. C'est vrai qu'il y a des erreurs de diagnostic, ça arrive. Bien sûr qu'il y en a. Il y a personne qui est infaillible. Après, c'est vrai que... Il y a personne qui est infaillible, mais il faut revenir là-dessus. C'est quand même... Enfin, on a une médecine générale et une médecine spécialiste qui bosse quand même relativement très bien. Si tu compares à plein d'endroits, ça bosse super bien. C'est relativement carré, c'est propre. Parfait. Compréhensible, mais c'est pas parfait. T'es jamais à l'abri de planter, t'es jamais à l'abri d'une petite un peu couverte, tu peux tout ce que tu veux. Jérémy, là, ta connexion, elle considère qu'il faut aller se coucher là. Ouais. Concrètement, c'est clair qu'il vaut mieux faire une erreur quand on est boulanger que quand on est médecin, c'est clair et net. Surtout quand tu bosses aux urgences. Mais après, le truc, c'est tout comme on peut avoir un second avis parce qu'on a un doute sur son médecin ou que peut-être qu'il y a un truc qu'il n'a pas bien compris. Si le 15 vous dit restez chez vous, c'est rien, et que vous mettez à vomir du sang, eh ben, vous allez aux urgences quand même. Vraiment, c'est. Voilà, mais c'est pas. Oui. C'est vrai que les urgences, souvent quand j'y allais, moi j'ai passé mon enfance aux urgences. Hein, mon père, je m'ouvrais la main direction aux urgences, j'avais mal à la tête. Oui, mais tu t'ouvres la main, c'est normal d'aller aux urgences. Voilà, c'est ça. et le truc, c'est que moi, aux urgences, tout le temps dans la salle d'attente, il y avait plein de gens qui étaient là avec le gamin qui a mal au ventre. Et puis la dame, elle dit « Ouais, pourquoi vous êtes là ? » Ma fille, elle a mal au ventre, mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir le médecin ? Parce qu'il n'était pas 1h du matin ou c'était pas un dimanche, hein, c'était vraiment en pleine semaine, pendant les vacances et tout. Donc, les gars ne savaient pas quoi répondre, en fait, parce que dans l'urgence, tu vas aux urgences. Et ils disaient, mais bon, ok, bon, la petite, bon, t'as mal au ventre ? Il fait, non. parce que ça faisait 3 heures qu'elle attendait, donc forcément le mal de ventre il est passé. À partir sur les motifs abusés de consultation d'urgence. Après, de manière générale, reprenons aussi des complètement injustifiés aux urgences, c'est pas non plus la plupart des motifs. Peuvent se comprendre. Il y a une certaine détresse, une sensation d'urgence ressentie qui est un peu forte. Peut-être qu'elle aurait pu être gérée différemment, mais voilà. On peut tu fais pas 5 heures de cure aux urgences par plaisir. Hein. T'as forcément un truc qui tient de toute façon. En général, les mecs se régalent pas. Ils sont pas là pour te faire chier. En général, ça peut arriver que t'aies des hypochondriaques ou des gros pénibles qui se pointent, mais surtout la population. C'est beaucoup de misère sociale finalement. Enfin, moi, mon expérience quand je suis passé aux urgences, c'est beaucoup. C'est des gens qui ne peuvent pas payer la consultation d'un médecin généraliste et on va aux urgences, donc comme on n'est pas solvable, ben, ça passe et il n'y a pas de souci. Ouais, c'est le cas de le dire, ouais, ça passe. Ouais. C'est, on a le droit à des soins machin, qui sont de faible qualité. Vous n'avez pas de soins de bonne qualité aux urgences. Aux urgences, on est pas urgent et le reste, c'est cassez-vous chez vous. Et effectivement, la prise en charge psy, le soutien psychologique et tout, ce sera un premier plan aux urgences. C'est normal, c'est pas... ça qui sont mandatés les types. Donc voilà, donc il faut pas être non plus dans la caricature d'un côté ou de l'autre, c'est il faut trouver des solutions aux problèmes qui sont rencontrés et aujourd'hui effectivement, il y a une surfréquentation des urgences. Clairement, aux urgences de mon CH à moi, tu as 12 heures d'attente. Donc on fait quoi? On reste à 12 heures d'attente ou on prend des mesures pour restreindre le flux? Et tu peux mettre en place des tas de mesures, mais à un moment donné, tu vas être obligé de dire à certaines personnes qui auraient pu aller aux urgences pour des motifs, on va dire, si tu as des niveaux, c'est très grave, niveau moins, ça va quoi. Il y a des trucs sur lesquels tu pourrais décaler du niveau 5, voire du niveau 4 sur du cabinet de médecine générale ou tout ça, mais ça nécessite de dire aux gens votre idée initiale, je vais plutôt vous orienter vers quelque chose de différent. Il y a des astuces aussi qu'on peut mettre en place assez facilement. Alors, évidemment, on va me parler des déserts médicaux où il n'y a rien. Oui, si on trouve des solutions complètement claquées où il n'y a qu'une solution, c'est les urgences. Oui, là, effectivement, il faut aller aux urgences. Il n'y a pas de réseau pour appeler le 15. Enfin bref, on me sort toujours des scénarios de ouf pour justifier le fait d'y aller. Oui, il y a des cas où il faut y aller, puis là, vous avez raison d'y aller. Mais par exemple, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui fait régulièrement des problèmes de santé où il faut... certains types de médicaments. Et pour ça, il faut une ordonnance. Et bah, quand c'est le dimanche, ça arrive souvent le dimanche en plus, ces problèmes de santé-là. Donc, juste à côté des urgences, à 200 mètres, il y a le SAMI. Et il n'y a pas de queue. Il n'y a personne, parce que personne ne sait qu'il y a le SAMI à cet endroit-là. Donc, tu as 5 heures de queue, tu traverses la rue, tu passes tout de suite. Pour le. Mais. Et consultation juste ça, quoi, générale. Hein. SOS médecin, pareil. SOS médecin, des fois, ils ont des endroits où ils font des permanences où, quand tu te déplaces, des fois, tu payes le même prix qu'une consultation classique. Il n'y a même pas le surcoût du fait qu'il vient chez toi. Ben non, des fois, il y a des trucs comme ça. Un ami qui habite dans le sud, il est parti chez SOS médecin avec sa fille. Il était 20h, 21h, un truc comme ça. Ben, ils ont dit, ben, vous allez là-bas, il y a une perme, et puis ben, vous passez. Et c'est le même prix qu'une consultation ordinaire, quoi. Ben oui. Après, oui, c'est aussi des histoires de charge. Hein. Tiens, je vois une intervention parce que je la vois souvent. Maintenant, un médecin généraliste, c'est rendez-vous. Le mien, c'est 3 jours ouvrés de délai. Oui, pour une consultation de suivi. Un mec qui est suivi, par exemple, pour une sclérose en plaques, qui doit faire renouveler son traitement, faire une surveillance thérapeutique. Oui, on va programmer son rendez-vous, on va se programmer à distance, surtout sur un système de santé surbooké. Par contre, si vous lui téléphonez, vous lui dites là j'ai une urgence qui nécessite d'être vue dans la journée, vous serez vu dans la journée, la demi-journée concernée. C'est comme ça. Enfin, tous les médecins généralistes que je connais fonctionnent comme ça. C'est caricatural de raconter que effectivement vous avez un problème urgent, le généraliste en général c'est faux. Et puis au pire, si vraiment il n'est pas dispo. Toujours des solutions. Le SAMI, les urgences. Bon, si on n'a pas le choix. Mais moi, mon médecin, il prend en ce moment-ci, parce qu'il y a le Covid, donc il ne reçoit que sur rendez-vous. Mais habituellement, il ne prend pas de rendez-vous. C'est-à-dire que tu veux le voir, tu te pointes à la salle d'attente et il ouvre le cabinet à 13h30. Tu te pointes dans la salle d'attente à 13h, tu as déjà 8 patients. Quoi. Donc tu sais que tu vas pouvoir ôter. Mais en même temps, bah, sans rendez-vous, tu passes. Et à je ne sais plus quelle heure, il ferme la porte et pour qu'il puisse éponger tous les gens qui attendent dans la salle d'attente et il attend d'avoir vu tout le monde pour rentrer chez lui. Quoi. Oui. Et c'est quand donc, souvent, il ne fait pas la bise à ses gosses le soir quand ils vont se coucher. Ben oui, mais au bout d'un moment, ce n'est pas un système qui peut être fiable. Il faut trouver des solutions, entre guillemets, pour pouvoir voir les patients, avoir du temps suffisamment pour les voir. C'est-à-dire que quand il est 21h, je suis désolé, hein, je vais peut-être vous enlever un truc. Je suis quand même beaucoup moins performant à 20h quand je finis les consultations, que je suis claqué, que j'en ai ras le cul et que je veux juste rentrer chez WAM, qu'à 8h30 le matin quand je suis boosté et que quand c'est la fin de journée qu'on est claqué. Vous avez un truc ultra grave qui arrive à ce moment-là, ben, il faut arriver à prendre le temps et tout ça. Et effectivement, si vous êtes en surcharge de travail permanente, vous êtes à chier. Vous êtes... Donc, il faut aussi s'aménager où c'est plus tranquille, il faut savoir peut-être réduire la voilure pour pouvoir éponger tous les patients, mais garder quand même une qualité de soins pour tout le monde. Et forcément, ouais, quand vous essayez de privilégier la qualité à la quantité, ben, vous envoyez moins et vous avez des délais qui s'allongent. Moi, aujourd'hui, mes délais, c'est 2 mois et demi, 3 mois. Je ne sais pas comment c'est de votre côté, mais je ne veux pas dire le département où j'habite, parce qu'après, il y en a qui googlent mon nom et tout ça, mais disons que là, où dans le département où j'habite, pour avoir un médecin traitant, c'est une galère, quoi. Il y a la sœur maternelle de notre fils, elle, son médecin, il était dans un autre département, son médecin traitant. À un moment donné, je devais trouver un médecin traitant pour éventuellement changer. Parce que c'était compliqué avec le mien, parce qu'il n'y avait pas le rendez-vous, il fallait faire longtemps la queue. Puis moi, depuis que je me suis fait opérer du dos, rester assis pendant 1h30, 2h, c'est compliqué. J'ai fait toutes les pages jaunes. Quand j'étais à 3e ou 4e commune au-delà de la mienne, j'ai arrêté de chercher. Quoi. Je me suis dit, ok, c'est bon, le mien, je commencerai à chercher un autre médecin traitant quand le mien partira à la retraite. Quoi. C'est, plus personne ne prend si tu veux, vos patients. Quoi. La solution. Moins de médecins. On n'a pas entendu ta réponse. Ouais, il va falloir. Là, ta connexion, elle est vraiment, vraiment difficile. Bah, écoute, moi, je dis, la solution, elle est politique. Hein. C'est pas nous, à notre échelle de médecins, là, qui allons révolutionner le truc. Si vous voulez plus de médecins, il faut former plus de médecins. C'est tout. C'est tout. Sauf c'est que vous verrez le résultat dans 15 ans. C'est ça, vous le verrez. Pas des politiques qui sont pérennes, et puis on passe notre temps à dire qu'on coûte de la thune et tout ça. Donc après, la question, c'est est-ce que vous voulez payer plus de thunes, c'est-à-dire avec les charges sociales et tout le bordel, pour avoir plus de médecins formés et pour avoir un système de santé plus performant, ou est-ce que ou sur des systèmes ultra-libéraux? Et si on est sur des systèmes ultra-libéraux, c'est-à-dire chacun sa merde... Non, c'est comment ça se passe dans tout le pays. Là, aujourd'hui, vous êtes sur le médecin qui est une denrée rare. Donc, nous, on n'a pas trop le choix, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va essayer de se focaliser sur le soin, c'est-à-dire sur ce qu'on a. Et les consultations un petit peu pour être psychothérapie, éducation, et peut-être il va falloir les déléguer. Et il y a certains gestes, certains, il va falloir déléguer. Et voilà. À un moment donné, ça va nécessiter de conscience de la part de la profession, c'est-à-dire que c'est quand même confortable aussi de voir des trucs un peu simples, vides, où on discute, où on tape dans le dos et ça se passe mieux. Et de l'autre côté, de la part des patients, de malheureusement pas solliciter le médecin systématiquement à chaque fois qu'il y a machin. C'est un équilibre à trouver et il va se trouver par force parce que ben, il n'y aura pas de consultation tous les 4 matins. Quoi. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, les consultations. Médecine générale. Avant, c'était un motif, une consulte. Aujourd'hui, moi, ce que me dit ma femme, c'est que c'est une consulte plein de motifs. Ouais, et surtout plein de motifs, des motifs psy. Et ça prend du temps, c'est long. Donc, on est sur du polypathologie, sur du polymotif, et ça devient de plus. Donc, ça prend plus de temps, et donc, il y a moins de disponibilité. C'est comme ça. Bref, on va arriver sur la fin, là, parce qu'il commence à se faire tard, peut-être. C'est ça, moi aussi, je commence à avoir le dos en compote, là. Ça va faire 3 heures qu'on stream. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Je vais demander aux personnes qui nous regardent de rester encore une petite minute, parce que, en général, en fin de stream, bah, je fais aussi un raid pour envoyer du monde chez des copains. Bon, c'est surtout du jeu vidéo que je suis, moi, mais bon. Mais ouais, on voit chez Jeannot. de faire un raid chaque copain. Restez juste une petite minute de plus, histoire de faire un coucou. Si jamais ça vous plaît, eh ben, vous restez. Sinon, bah, tant pis, bonne nuit tout le monde. Merci beaucoup, vraiment, François JT, d'être passé. C'était vraiment super génial. Ça nous a fait plaisir, c'était cool. Hein. Ah, bah, moi aussi, ça faisait tellement longtemps que je voulais faire un truc avec vous. Donc là, on s'est fait plaisir. Lundi qui vient, il y aura Julien Méniel, où on va parler aussi de plein de choses, parce que lui, il était c'est un ex-infirmier, donc il a plein de choses à raconter aussi, journaliste aussi, puis au-delà de son métier, il est une très belle personne, donc on va pouvoir passer une bonne soirée également, et plein d'autres choses à venir, langue des signes, là je suis en contact avec signe de sens, donc il va y avoir, il y a plein de choses qui vont se passer au niveau surdité, langue des signes, plein de trucs, ça va être vraiment cool, merci beaucoup pour tous les follow, je crois que vous m'avez envoyé une centaine de followers en plus là ce soir. Ah, c'est cool. Ben, merci de follow, merci les copains. De merci follow beaucoup Laurent. Pour les vagues de gentil. Follow, c'est super cool. Je sais pas quoi dire. Bon, non, c'est plaisir. Allez voir sa chaîne, c'est sympa aussi. C'est des sujets qu'on n'aborde pas suffisamment souvent. Il y a beaucoup de sujets intéressants. C'est une chaîne qui a éclos juste avant que je. Non, j'ai trouvé que c'était très bien sur des formats. C'était un peu l'âge d'or du YouTube vulga et après, ça s'est un peu tassé quoi. Après, ça s'est un peu tassé. Il y a des gros qui sont restés, Nota Bene et compagnie, et ceux qui faisaient ça pour le plaisir, il a fallu qu'ils se trouvent un boulot et donc ça s'est très très réduit. C'est un peu le leitmotiv effectivement. Ouais, c'est ça. Non, puis après les formats ont évolué, c'est vrai que maintenant le côté un peu vidéo courte de 10 minutes avec des gags et des machins, c'est vrai que maintenant on est plus sur Twitch où on va plus faire des interviews, des choses comme ça, ou des trucs un peu plus institutionnels, reportages ou voilà. Plus maniable, hein. Moi j'ai beaucoup de mal à écrire donc ouais, c'est quand même plus simple pour continuer à avoir une petite activité, on est d'accord. C'est clair. Du coup, je propose de vous envoyer chez un copain qui m'a beaucoup aidé pour paramétrer la chaîne Twitch, c'est Amaraz, donc il joue dans une série. Là, il stream un petit jeu, c'est Little Nightmare. Voilà, là, ils sont en train de faire bugger les notifications, ils sont tous en train de polo d'un coup. Bref. On va avoir une animation aussi pour les follow. François a bricolé ça. Donc, non, c'est pas moi, c'est Boisdin qui a bricolé ça. Mais maintenant, ça y est. Ouais, on s'amuse. C'est vrai, tout on ça, les a. Je l'ai même pas vu. Ah, parce qu'on a personne qui sait follow là. Mais c'est vrai. Ouais, non, là, on avait personne qui follow. On n'avait rien annoncé à l'avance. Donc, on avait notre fanbase. En fait. J'ai passé un temps fou à mettre ces bêtises-là. J'ai passé plus de temps à mettre les notifications qu'à préparer le cœur du contenu. Mais bon, c'est rigolo. C'est l'habitude, ça. On se fera peut-être une consulte détente, nous, ce week-end. On va essayer de faire ça avec Franfran. On ne sait pas trop. On va surveiller les rares qui ne sont pas de la commune de JT et François. Surveillez leurs réseaux sociaux, ajoutez-les. Il y a les liens. Vous allez les retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, c'est très intéressant ce qu'ils font aussi. Voilà, médecine, santé. En ce moment, c'est un peu un sujet qui nous concerne tous. Donc. Un peu à la mode, ouais. Donc voilà. Merci à tous. Je lance la commande pour le raid. Ça part dans 10 secondes. Merci à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et prenez le temps d'y penser. Hein. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. À plus, les gens.